Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 39e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et au sommaire de cette émission, du jeu. Et pour m'accompagner, j'accueille Laurent. Salut Lolo. Salut Sei, salut Majo, comment ça va dans cette fin de confinement hein. Bientôt, on est bientôt libre, le 11 on va sur la plage, on va faire la fête. On va pouvoir se rouler des tronches, pelles, ouais. C'est cool. Ouais, vous êtes confiants les gars. Ouais super confiants, ouais. Ça va être la fête du slip non plus. On va faire les concerts, moi je suis autour de Lyon, donc on va faire les concerts à la Altony Garnier avec 70 000 personnes. Voilà, ça va être top. En boîte de night, parfait. Et donc voilà, il y a aussi Majo qui nous accompagne, salut Majo. Bonsoir Sei, salut Laurent. Salut. Ça va? Ouais. Ça va et toi? Bon, non, ça va pas. Parfait. Super. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça, c'est parce que t'as regardé, je pense, le Xbox Inside. Et ça t'a complètement stupéfié. Ouais, mais pas que. Grosse nouvelle là aujourd'hui. Et, du coup, c'est la tristesse la plus totale. Pour moi, en tout cas. D'accord. Oh, bah, j'espère que c'est pareil pour vous. Ah, la Paris Games Week, les gars. Paris Games Week, oui, qui est annulé. Bah, c'est, tu vois, je ne suis pas vraiment tombé de mon arbre en ayant moi la nouvelle, plus. Parce qu'on s'en doutait quand même fortement. C'était, ouais, mais l'espoir fait vivre. On avait, puis quand on t'annonce officiellement. On avait commencé à en parler. Que ça sentait pas bon. Et de toute façon, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Bah, tant pis. Hein, comme c'est et c'est la tristesse. Il reviendra plus fort et plus beau encore. Ouais, non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. La première PGW avant la sortie des consoles next-gen, ça aurait été un truc extraordinaire en France et tout, surtout qu'il y avait zéro salon avant en plus. Ouais, mais de toute façon, maintenant tout se fait sur Internet. J'avais l'espoir que... Bah, c'est là où ça va faire très mal, c'est pour eux, parce que, comme tu dis, il y avait tous les salons avant qui étaient fermés, donc ils auraient ouvert, ils auraient été les seuls au monde. Et là, une année comme ça, c'est une année qui fait mal, parce qu'une sortie de deux consoles, deux grosses ben, consoles... C'est ça. Voire peut-être même d'ici là une Switch, une nouvelle Switch. Une Switch Pro. Là, c'était l'année en or, quoi. Deux mois avant les fêtes il de doit, fin d'année. Il doit être dégoûté, quoi. Ouais, c'est... Franchement, c'est la loose. Honnêtement, en fait, c'était, comme je disais à mon pote, c'était la PGW à, pas rater. À faire. Et puis, ben, on l'a pas, quoi. Ouais, mais c'est aussi, je sais pas, la PGW, oui, t'as quelques news de temps en temps, mais c'est surtout pour permettre aux ados d'aller essayer les Call of, hein. En général, c'est ça. Non, attends, mais j'y étais l'an dernier, et les mecs, ils nous avaient bien expliqué sur les stands de Sony, ils avaient dit l'année prochaine, ça va être un truc de fou. Il y a la nouvelle génération qui arrive, ils allaient lâcher les chevaux, c'était sûr. Et puis, y compris pas mal de conférences à la Défense aussi, autour de, un petit peu comme à l'E3, ils font des conférences en dehors de la Paris Games Week. Et là, pour les annonces de consoles, il y aurait eu des shows, il y aurait eu des trucs de fou. Ah, mais ça devait être un gros truc, quoi. Xbox qui sort sa nouvelle console, Sony qui fait pareil. C'était la PGW à pas manquer sur limite toutes celles qu'il y a eu. J'exagère, mais mais bon, une PGW transition next-gen, old-gen, c'est obligé, ça doit être fait, tu vois. Mais là, on l'aura pas. Ça aurait été bien, ça va se passer sur Internet maintenant. De toute façon, tout le monde fait des conférences sur le net, ça se fait de plus en plus. Ouais, mais tu peux pas mettre la main dessus. C'est ça le problème. Ouais, c'est, ouais, que là, c'est sûr qu'il y, a, c'est sûr qu'il y aurait eu des bornes. De... Ouais, il y aurait eu des bornes, t'aurais pu essayer, et puis t'as l'euphorie et tout, enfin, l'engouement de l'événement et tout ça. Non, non, franchement, c'est quelque chose de. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très triste. Ah ouais, on te sent très affecté quand même, Majou. Tu... Énormément. Tu... Mais bon, ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce qu'il y a beaucoup de choses à côté qui sont fort intéressantes cette semaine. Et d'ailleurs, est-ce que t'as vu du coup le Xbox Inside, l'aperçu de la Next Gen justement? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, alors, le World Premiere. Des jeux Next Gen. Ben, alors, toujours pareil. Hein, tu les sens les teraflops? C'est très très très très bien vendu. Je crois qu'il y a Phil Spencer qui a fait une déclaration la semaine dernière, ouais, je crois. Comme quoi, c'était, enfin, le bon était équivalent au passage de la 2D à la 3D. Ouais. Eh ben, dis donc. Eh ben, écoute. Moi, j'ai pas trouvé ça. Enfin, il y a des beaux trucs. Tu vois quand même que c'est un peu plus léché que ce qu'on a aujourd'hui. Mais enfin, c'est pas la gifle. Je me suis pas roulé par terre, quoi. Tu vois. Enfin, je me suis pas fait étaler. C'est pour moi, ça joue beaucoup sur le ray tracing. Mais bon, ça, on s'en doutait de toute façon, puisque ça fait 2 ans qu'on nous en parle. Bah, j'ai pas trouvé tant que ça en plus, hein, parce que. Ouais, si t'as énormément d'effets de lumière. Regarde, Dirt. avec les éclairs et tout, quand ils roulent de nuit. Enfin, c'est très rare les rallyes de nuit. Là, ils roulent de nuit avec la lumière des phares et tout. Parce qu'en gros, juste pour rappeler, il y a 13 jeux qui ont été présentés. Dans cette vidéo là, donc il y a Bright Memory Infinite, c'est un jeu FPS apparemment, c'est un espèce de mélange entre, on aurait dit, du Titanfall et Crysis, voilà. Ouais, avec des véhicules aussi. Je trouve que c'est le plus beau qui a été présenté par contre, celui-là. Bah, c'est le premier. Ouais. C'est le premier, et t'as un petit côté aussi. Ghost of Tsushima, moi ça fait penser à ça parce qu'il y a du vent tout le temps. Et le Japon, l'environnement ouais, un peu japonisant quoi. Aussi. Donc à voir, mais bon c'est pareil, enfin, là tu vois, c'est, quand t'arrives au début c'est de nuit, l'accent est vachement mis sur la réflexion de la lumière de l'arme quand il tire. T'es sous un orage, enfin tu vois, il pleut, donc réflexion de la lumière sur les flaques d'eau quand il y a des éclairs et tout ça. Donc je te dis, enfin, il y en a beaucoup où j'ai vraiment ressenti ça, où ben voilà, c'est ray tracing, donc la lumière, t'as vu, ça brille de partout. Après, il y a eu Call of the Sea, alors ça, c'est The Witness, mais enfin à la plage quoi. Enfin, franchement, ça aurait pu sortir sur PS3 quoi. Ouais, ça va résumer de toute façon un peu tout ce qu'on a vu à la conf. Hein. Alors il l'avait dit, de toute façon c'est pas des jeux first party, c'est que des jeux éditeurs tiers. Mais c'est pas la claque quoi. Donc voilà, en gros après donc t'as Chorus, apparemment c'est une espèce de jeu de vaisseau, pareil ça me fait penser aussi au premier jeu qu'il y avait sur PS3. Ou un peu à... comment il s'appelait Mass Effect. Ouais, je sais pas, j'aime trop Mass Effect pour le comparer, donc je vais pas te suivre sur ce coup là. Il y a Dirt 5, pareil, j'ai pas trouvé vraiment ouf. Je pense qu'un Forza va beaucoup plus mettre la trique que bah, c'est que propre quoi. Voilà. Ouais, c'est propre, mais ouais. Madden NFL 2021, alors ça, 2021. Ça c'est typiquement américain, donc très bien. Scarlet Nexus. C'est pareil, hein. En plus, alors tu vois, c'est encore plus flagrant, je trouve, sur Madden. Sur le trailer qu'ils ont mis, ils ont fait une rétrospective de toutes les générations de Madden. Et tu vois bien que la transition PS4, Xbox One et Series X, elle n'est pas transcendante non plus. Hein. On t'a dit la même chose que la 2D à la 3D, ok ? Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'il faut retenir. Non, mais c'est intéressant parce que justement, ils ont voulu faire ça pour montrer l'évolution. Tu vois, et en fait, je trouve que ça fait totalement l'effet inverse. Après, il y a Scarlet Nexus, ça c'est un jeu typé manga. Donc pareil, ouais, qui m'a fait penser un peu à Persona, un peu ouais, dans le style, dans le design du personnage. Yes. Ouais, à voir. Hein. Yes. Bah, c'est intéressant. Pardon, je te coupe. C'est intéressant aussi parce que ça fait rentrer un peu les jeux japonais chez Microsoft, quoi. Enfin, c'est pas mal. Xbox. C'est pas mal. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu timide depuis la 360. C'est pas mal. Et du coup, en jeu japonais, t'avais Yakuza aussi. Le Yakuza, ouais, je crois que c'est un spin-off, il me semble, qui. Ouais, c'est possible. Like a Dragon. C'est juste un trailer, alors qui, pareil, casse pas trois pattes à un canard pour de la next gen. Ouais, c'est clair. Mais c'est encore, c'est du jeu japonais. Donc c'est bien. Il y en a un qui m'a plutôt fait de l'œil, c'est Scorn. C'est l'espèce de jeu qui ressemble un petit peu à la Giger, tu vois. À Alien, voilà, complètement. Complètement repompé d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il s'en cache, mais celui-là, il a l'air bien dégueulasse. C'est une atmosphère un peu gênante, mais ouais, c'est décalé quoi. Tu sens que c'est, enfin, ça a l'air de tirer un peu vers le gore, pas sadique, mais c'est typiquement la Giger, c'est-à-dire c'est organico-mécanique, sexuel. Ouais, c'est ça. C'est voilà, faut voir, ça a l'air plutôt pas mal. Seconde Extinction. Alors, par contre, c'était magnifique. Bah oui, mais bon, après il n'y avait rien de concret, on va dire, c'était une cinématique. Mais alors, c'était pas vraiment une cinématique parce qu'il y avait marqué que c'était ce qu'ils visaient pour la Xbox Series X. D'accord. Leurs attentes graphiques pour la Xbox Series X. Donc c'est en gros ce qu'ils visent en termes de gameplay. Alors est-ce que c'est ça qu'on aura au final ? On verra. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça c'était très très très très impressionnant. Alors, un jeu qui m'a fait un petit peu tiep, c'est Seconde Extinction. Un jeu avec des dinosaures. Je pensais qu'ils allaient nous ressortir la série des Turok, mais non, c'est. Bof. Ouais. Enfin, voilà les jeux, même sur PSVR, quand tu commences à buter des dinos, c'est que ça pue, hein, déjà. Ça sent la lune. Donc voilà, on se souvient de Ark. C'est vrai. The Ascent, alors ça, c'est un jeu, un action RPG vu du dessus. Pareil aussi, pas ouf. Hein. Alors, bah, moi je suis pas d'accord. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est. Alors, ça a l'air d'être le genre de jeu, c'est que tu joues avec les deux joysticks là. Où t'en as un pour tirer, l'autre pour viser. Mais par contre, je le trouve très très beau et très très bien animé, enfin plein de vie. Niveau background et tout, enfin y a pas mal de trucs qui bougent. Et puis je trouve que les graphismes sont très beaux. Alors, aussi, j'ai rarement fait ce genre de jeu sur cette génération, donc à voir s'il y a un gap. Très important, mais je le trouve très beau, et puis ça a l'air plutôt sympa, ça m'a fait envie par contre. Ensuite il y a The Medium, on passe en revue rapidement. The Medium aussi, qui m'a fait penser un petit peu à un jeu de Alan Wake, le jeu de Remedy, dans l'ambiance. Ouais, alors j'ai pas fait Alan Wake, mais je connais. Et ben tu devrais, parce que c'est une très très bonne série. Et voilà, c'est ce qui se dit. C'est voilà, sur une médium, comme son nom l'indique. Et ouais, ça a l'air plutôt cool, en tout cas, il y a une bonne ambiance dedans. Alors, celui que j'attends le plus, et là, j'espère qu'il sortira sur PC, c'est Vampire la Mascarade. Ah ouais. Alors, celui-là, il le faut absolument. Et donc, bah, Yakuza. Et donc, voilà, donc, ouais, ça t'a plu du coup? Ça t'a convaincu sur les capacités de la next-gen, cette présentation? Pas trop. Enfin, là, franchement. Bah, attends, on en a oublié un. Lequel? Le plus important. Bah, Assassin's Creed Valhalla. Ah oui, ouais. Valhalla. Attends. C'est pareil quoi. Enfin, c'est du Assassin's Creed 4 Black Flag PS3 optimisé PS4 quoi. Enfin, ou Xbox 360 optimisé Xbox One. De toute façon, ça c'est des jeux cross-gen. Hein. Ça va sortir sur Xbox normalement. Ouais, mais là tu vois clairement que pour un début de gen, ça se paye. Alors j'espère que les exclus console next-gen ils vont tabasser parce que. Parce qu'il y a même Vampire là, que j'attends beaucoup, franchement, j'ai pas trouvé trailer de le trailer de Valhalla, il en met plein la figure quand même. Ouais, mais ça reste de ouais, mais ça reste des. Enfin, je pense qu'il y a une alternance cinématique gameplay. Je crois pas que tout est gameplay, mais compare-le à Odyssey ou à Origins, qui sont magnifiques. Encore une fois, le problème c'est que c'est pas la gifle, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mmh. C'est ça t'est annoncé comme la gifle, et puis bah là c'est pas la gifle. Voilà. Ouais. C'est surtout ça qu'on retient. Donc, ah non, pour ça, j'attends beaucoup des first party. Hein. Assassin's Creed Valhalla, pour moi, c'est une bonne gifle. Hein. Oh, je sais pas. Bah, alors, mis à part que niveau durée, il sera moins long que les deux, ah non, mais les deux derniers. Je te parle juste graphiquement, moi. Je te parle. Mais après, faut voir la gueule du jeu, parce que là, si ça se trouve, c'est que de la cinématique. Mais les visages et tout, c'est non, c'est pas que de la cinématique, ça se voit. Mais je trouve, enfin, non, franchement, je trouve pas que ça soit la gifle. Quand on parle, je te dis à Origins et à Odyssey, non, je suis pas d'accord. On verra ce que ça donnera en tout cas quand ça sera beaucoup plus concret. À voir plus tard, ouais, à voir ce que ça donne. Parce qu'un environnement en plein désert, c'est toujours plus facile à faire qu'un environnement dans une forêt boisée. Bah, y a pas beaucoup avec de désert, de l'herbe, dans, avec dans de Odyssey, la végétation. Hein. Dans Odyssey, t'avais pas de désert et il est pourtant magnifique. Hein. Il est vraiment... Non, celui d'avant. Oui. Origins. Ouais, Origins. Bah, c'est des beaux jeux de toute façon, mais faut voir comment ce sera en réalité. Mais enfin, le trailer, moi, franchement, j'ai trouvé. au niveau des regards et tout, je dis putain, c'est vraiment bien. Attention, hein, je dis pas qu'il est moche. Ouais. Je dis que c'est pas la claque. C'est pas la claque. Ouais, ouais. C'est pas la gifle, quoi. Voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'on nous survend depuis quelques temps la gifle, que ça va être incroyable, que ça va être vraiment un gros gap et tout. Et là, franchement, après, je l'ai pas senti. Quoi. Faut pas oublier les graphismes, c'est pas non plus ce qui fait un bon jeu. Hein, je suis d'accord. Mais on est quand même en droit d'attendre quelque chose quand on nous présente comme ça la next gen. Voilà. Et surtout avec des prétentions de faire passer la nouvelle génération comme le cap entre la 2D et la 3D. Quoi. Oui, ça c'est un tout peu fort. Hein. Alors, Phil Spencer tout craché, ça. Il faut pas oublier que c'est des jeux qui sortiront aussi sur PlayStation. Oui. Ah oui, carrément. Donc on aura droit à la même chose. C'est ça. Voire peut-être un peu moins bien si effectivement les trolls qui sévissent sur Internet ont raison et que la PS5 sera finalement une grosse merde par rapport à la Xbox Series X. Non, voilà, vu ce qu'ils je pense montré, que là, elle devrait y arriver quand même. Pas de mal. Je pense aussi. Je pense aussi. Maintenant, on va passer un petit peu au PSVR, si vous le voulez bien. Moi, j'étais bien chez Xbox. Des news. Non, mais après, il va se barrer, Laurent, donc c'est ça le problème. Bon, c'est de le garder. Faut essayer de le garder alerte. On a eu quelques news à propos des m'endormir jeux qui vont sortir bientôt. Notamment, alors par contre, on va commencer. Undead Citadel, tiens, Majo. On t'a pas beaucoup entendu. Ah. Alors moi d'abord. trop de dingue. Alors, Undead Citadel, ben, on a eu la grosse surprise aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, ou hier. Hier. D'avoir, merci, d'avoir une bonne vidéo de gameplay d'environ une petite dizaine de minutes. Et puis, bah, c'est vrai que ce jeu, on entend parler depuis un moment. Oui, très longtemps. On a déjà parlé ici. Et on a, en podcast, c'est possible. Et sur le site, plein de fois. Et on voit. Enfin, on n'avait rien vu de concret. Et puis là, ils sont arrivés avec une grosse vidéo. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve ça plutôt beau. Un peu bourrin. Ça a l'air très beau. Contrairement à ce qu'ils essayent de dire dans le trailer. Et puis c'est bête qu'on commence maintenant parce que je voulais faire le parallèle avec un autre jeu qui est sorti cette semaine qui s'appelle The Walking Dead Saints and Sinners. Ouais, on en parlera après ça. Mais je trouve que bah, du coup le gameplay il est un peu en retard quoi. C'est le risque hein. Après, par rapport à The Walking Dead du coup. Il y en a beaucoup qui sortent tard par rapport à Walking Dead à ce niveau-là, au niveau des impressions en jeu. Mais bon, après voilà, ça a l'air assez nerveux, plutôt joli. Et très monochrome. Ouais, ça tire ouais, vers le sombre et le bleu. Enfin, oui, ça c'est semble pas très varié. Des fois. Le gris, le sang et le caca, quoi. Ouais, c'est les ténèbres, quoi. Ouais. Faut s'imaginer ça. Mais à voir, encore une fois, ça a l'air d'être du déplacement libre, dans un environnement plus ou moins ouvert. Je pense que ça reste du couloir, quand même. Ça a l'air, enfin déjà ça en dit un peu plus sur le jeu, mais ça a l'air plutôt pas mal. C'est ce que ils mettent l'accent vraiment, ils axent toute leur communication de leur jeu sur vraiment le moteur de combat. Donc après c'est vrai qu'on en a pas eu beaucoup des jeux de parce que c'est du combat à l'arme blanche. Donc mis à part Golem où on avait un soupçon d'esquive et d'attaque. Après, il faut voir comment c'est foutu. C'est vraiment en y jouant qu'on va s'apercevoir. Bah, alors, il y a une petite partie qui est intéressante, c'est que tu peux récupérer les armes de tes ennemis. Quand tu le vois avancer, au début, il a une arme, une hache, pardon. Après, il passe avec un marteau. Après, il a une hache plus longue. Après, il récupère un bouclier. Ça, de ce côté-là, ça a l'air plutôt sympa parce que c'est vraiment sur les ennemis qu'il les ramasse, quoi. Mais voilà, maintenant, enfin, tu vois, le marteau, pardon, il le tient à une seule main. Je sais pas si t'as la possibilité de pouvoir le tourner parce que t'as un côté pic et un côté place. C'est là où le rapprochement avec The Walking Dead risque d'être clair. Enfin, dans Walking Dead, c'est particulièrement bien foutu. C'est pas le même environnement, c'est pas le même univers, mais c'est un peu le même genre, quoi. Du coup. Bah, on ne sait pas si ça va être un couloir, un semi-monde ouvert, ou si il va y avoir des composantes RPG, ou uniquement ça va être du défouraillage de squelette, quoi. Ça, on n'en sait rien pour le moment. Parce que ça, c'est le plus important, en fait. C'est l'intérêt du gameplay. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, dans les phases de combat, c'est vrai qu'on est en droit de se... Ils annoncent se le dire, quoi. Ils annoncent des dizaines d'ennemis différents. Des dizaines, donc on va dire au moins deux. Au moins 20. Au moins 20 ennemis différents. Il va y avoir aussi toutes les armes de distance, arbalète, arc et compagnie. Je crois qu'il y a plus de 40 armes différentes. Donc des épées, des haches, des marteaux de guerre, des masses, il y a les boucliers, il y a les épées longues. On peut même tuer les gens, les zombies en leur tapant dessus à la main. Il y a aussi la magie. Donc ça, j'ai pas trop vu encore, mais apparemment on va pouvoir glacer. Non, il y en a pas. J'en ai pas vu. On va pouvoir glacer. Alors j'ai loupé, mais utiliser des forces et geler et envoyer des potions magiques sur les ennemis. Et puis après, au niveau de la durée, il a l'air pas si court que ça. Donc est-ce que c'est du marketing et au final le jeu va durer 2 heures, ou est-ce que c'est vrai et on va avoir un truc de 10 heures là pour l'instant? Il parle de plus de 10 niveaux différents, donc. Là, il y a un mode horde aussi, que ça se renouvelle. Il y a un mode horde aussi. Et puis c'est ça surtout. C'est que si le jeu. Oui, t'as raison. S'il dure 10 heures et que pendant 10 heures, tu te tapes à peu près. Même si les environnements sont variés, si c'est toujours un peu les mêmes couleurs, un peu les mêmes trucs, au bout d'un moment. Ouais. Bah c'est beau, quoi. Est-ce que ça serait pas le genre Shadow Legend? Alors moi, celui-là, il m'inspire plus que Shadow Legend. Mais Shadow Legend, il est plus sérieux, il me semble. Enfin, plus sérieux. Non, enfin, ça reste. Enfin, c'est de l'heroic fantasy, quoi. C'est le même genre. Hein. Je sais pas, il a l'air un peu plus réaliste, Shadow Legend. Ouais, enfin. tout est relatif. Si tu parles du fait que le fait d'avoir des pouvoirs magiques c'est réaliste et de parler à des dieux et d'aller ça existait, dans les ténèbres. Je suis désolé, ça existait. Moyen-Âge, comme ça. T'as jamais vu Les Visiteurs ? Voilà, bah tu vois. C'est... Si, si, justement. Donc, ça veut dire non, que celui-là, franchement, moi, ce qui me fait peur, c'est que les trailers qu'ils montrent sont tous sur des gros PC survitaminés et qu'il faut voir ce qu'on va se taper sur PS4. Ouais. Ça me fait peur. Et puis, mais malgré ça, quand on voit ce qu'ils ont fait avec The Walking Dead encore ou avec d'autres jeux, eh ben, tu attends, vois, envie d'en parler de celui-là. Tu vois qu'ils sont capables de faire des trucs bien, donc c'est là où ça peut être encore plus dangereux pour ce genre de jeu. Après, on n'a pas de date de sortie. Non, non, non, non. On n'a même pas de fenêtre de sortie. Si, ils avaient dit deuxième trimestre 2020. Passer un temps. C'était il y a un moment. Et puis deuxième trimestre 2020, ça peut être sur Next Gen. Exactement. On verra. Pour l'instant, ça a l'air tout mimi, tout mignon. Ça a l'air sympa. Tu défends mignon. Le squelette. Ah oui, c'est vrai. C'est Laurent. C'est Laurent qui dit ça. Faut resituer. C'est le mec qui trouve les zombies mignons, quand même. Donc, du coup, c'est exclusivement jouable au PS Move. Oui. Ouais. Bah oui. Et compatible apparemment 3D Reader. Ah oui, ça d'accord. C'est sûr aussi. C'est bien de le souligner. Pour ceux qui l'ont. Très bien. Et ben en tout cas, si vous voulez voir 10 minutes de gameplay, allez sur le site et vous ferez votre avis et puis jusqu'à ce qu'il sorte et qu'on vous propose le test du coup d'Undead Citadel. Ensuite, on va passer avec toi, Laurent, sur Space Team VR. Qu'est-ce que c'est que ce Star Trek là qui nous a produit ? C'est ça. Alors ça, c'est la surprise de la semaine parce que le dernier podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis là, y a ce Space Team VR. Alors c'est vraiment dans l'esprit Star Trek Bridge Crew, qui est sorti bien. Sur d'Ubisoft, où en fait on se retrouvait à 4 et puis on devait diriger l'Enterprise avec des petites missions. Et apparemment, ils se sont inspirés de ça. Donc c'est un studio anglais qui s'appelle Cooperative Innovation. Et qui propose donc un jeu en coop cross-platform. Donc on pourra jouer aussi bien avec tous les casques, hein, le Quest, le machin, les PSVR, on sera tous mélangés. Et donc on se retrouve à 6 dans un vaisseau spatial. Ça se démocratise. C'est très bien. Et ça peut être sympa, surtout en confinement ou en reconfinement ou en déconfinement, j'en sais trop rien. on sait plus où on en est là. Voilà. Et donc en fait, c'est plutôt axé sur le style un peu humoristique qu'on pouvait rencontrer sur des titres, je sais pas si vous avez vous rappelez de Buzz Quiz Télé ou des trucs comme ça sur PS3. Si, très très bien, ce jeu, voilà. C'était très drôle à plusieurs. Et ben, j'ai l'impression que donc tu as quand même 6 avatars qui sont relativement assez variés. Je ne sais même pas si on ne va pas même pouvoir peut-être les personnaliser encore plus. Et du coup, c'est plus un truc d'humour où c'est que tu te retrouves avec un vaisseau spatial, mais ce vaisseau spatial ne peut fonctionner que si l'équipe complète fait certaines choses, résout certaines énigmes. Donc par exemple, un sur son pupitre va avoir les réponses d'une autre personne et il va falloir trouver à qui tu as les réponses. Donc il faut communiquer entre les personnes pour savoir qui a quoi. Et puis arriver à reconstruire ce puzzle à 6, et si tu le fais pas dans les bons temps, le vaisseau il peut se scratcher sur une supernova ou un truc dans le genre. Donc, c'est un truc qui peut être. C'est vrai que quand tu le vois comme ça, c'est pas le style de jeu, mais en VR à 6, ça peut être drôle. Donc, ça peut être marrant. Sort, ouais. On peut s'amuser à ça et faire une vidéo à 6, ça pourrait être très drôle. Une sorte de jeu de société en VR. Quoi. Donc c'est exactement ça. C'est un jeu. Bien, il est annoncé comme tel. Hein. C'est vrai, on est vraiment dans la logique Ubisoft au début du lancement du PlayStation VR qui proposait vraiment avec tous ces jeux Werewolves, Within, il y avait Star Trek Bridge Crew. On est vraiment dans le jeu de société communautaire, social, où tu te retrouves à 6 en réalité virtuelle. Et tu peux également jouer seul, et dans ce cas-là, tu auras deux robots. Donc ce sera l'intelligence artificielle qui fera fonctionner les deux personnes qui vont t'aider. Et tu peux également jouer à 6, mettons, tu en as deux au PSVR, un au Quest, et les trois autres, ils sont sur des téléphones portables, parce qu'il ne faut pas oublier que ce jeu-là, à la base, c'était un jeu qui était sur mobile, et qu'ils ont adapté à la réalité virtuelle, et ils ont gardé le noyau. Ça fait longtemps. Ils ont gardé le noyau du mobile pour l'adapter à la version VR, ce qui fait que les joueurs mobiles vont pouvoir jouer aussi avec des joueurs VR. D'accord, mais tant que ça, c'est une super bonne chose. Alors tu vois, je vois un petit souci à ça. Alors déjà, si tu joues contre des bots, parce que enfin, tu précisais, le principe du jeu, c'est basé sur la com, du coup, sur la communication entre joueurs, l'interaction. Si tu joues contre des bots, déjà, l'interaction vocale, elle ne doit pas y être. Alors, disons que le mode solo, ils appellent ça le mode entraînement. Donc, ce sera vraiment... ce ne sera pas des vraies parties, en fait. Mm. Ouais, c'est dommage. Et pareil, pour ceux qui jouent en version mobile, je suppose qu'ils ne vont pas parler dans le micro. Alors déjà, en version mobile, tous ceux qui seront sur mobile, ils n'auront pas d'avatar. Ce sera tous un robot, pour nous, pour les joueurs VR. Ouais. Et après, je sais pas exactement comment ils vont. Je pense que ça paquet... va se finir. Ouais, il y en a un paquet qui s'y sont frottés à essayer de mélanger du mobile avec de la VR. Je sais pas si c'est très concluant encore. Le problème, c'est si t'as des moyens de communication différents. Parce que c'est pareil, si toi tu parles dans ton casque micro, comment c'est retranscrit au mec qui joue en version mobile? Est-ce que c'est un texte qui lui est tapé à l'écran? Est-ce que ça lui est lu directement? Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, s'il joue avec un casque, peut-être il entendra le chat vocal, mais... Est-ce que l'essentiel... J'ai du mal à voir l'interaction, en fait. Est-ce que l'essentiel des énigmes se fait pas, finalement, sans besoin de parler, ou tu te fais passer... C'est dommage pour un jeu qui se targue d'être un jeu de société. Ouais. Ça reste. Il vient juste d'être annoncé, donc c'est vrai que c'est assez flou pour le moment. Non, bien sûr, mais je me pose la question. Oui, non, mais. Il vient juste d'être annoncé, il y a une date de sortie qui est annoncée aussi ou pas pour celui-là? Sur PC, je crois que oui. Tant que je dise pas de bêtises, sur PC. 21 mai. 21 mai, voilà, ouais. C'est ça. Et sur PSVR, comme d'hab, plus tard. Plus tard, quand ça arrivera, quoi. Va falloir se contenter, je pense, de cette réponse pour pas mal de jeux d'ailleurs. Malheureusement. Pour ceux qui veulent aller jeter un œil, on a un article dessus sur le site où j'ai remis les trois vidéos du jeu. Donc on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est sûr que c'est pas du jeu super attendu. C'est pas du World Premier, quoi. Non, voilà, c'est pas du World Premier. Par contre, faut voir ce que ça peut rendre, parce que si c'est bien foutu, je me rappelle toujours ce boss Quiz Télé qui payait pas de mine et j'ai passé des soirées extra à m'amuser. Mais justement, qu'est-ce qui était bien là-dedans, c'était l'interactivité avec les gens qui étaient autour de toi. Mm. Et puis le buzzer, tu sais, justement, c'est tu ça. Buzzais plus vite que les autres. Ah, t'aimes bien buzzer. C'est ça, donc c'est pour ça, si vraiment c'est un jeu de société, il faut que ça soit très interactif avec les autres joueurs. Mmh. Et déjà, moi, le fait de communiquer différemment selon le support, je pense que ça risque d'être un peu chiant, quoi. Mmh. Bon. Ouais, j'ai osé le mot. Sans parler de la barrière des langues, c'était déjà le cas dans Werewolves Within, où tu te retrouvais avec trois Anglais et deux Allemands. Les deux Allemands, qui parlaient avec l'accent. Je ne sais plus combien on pouvait jouer, mais ça aussi, oui, ça peut être un souci à suivre. Il faut voir comment ça évolue. À suivre, on verra. Et maintenant, Majo, tu vas nous parler de Vader Immortal, qui est déjà sorti sur Oculus, et là, qui va sortir... Ah, tu le fais excessivement mal, hein. On dirait plutôt une colombe, tu trouves pas? Une colombe? Je sais pas. Ouais, ou du vent qui souffle dans les arbres. Voilà, vous avez reconnu Vader, évidemment. Qui fait... Donc c'est Vader Immortal, ouais, qui est sorti sur Oculus il y a déjà un petit moment. Et qui se Oui, l'année dernière. C'est ça, qui est composé de 3 chapitres et qui sort en... Presque un an. En bundle sur PSVR, et ça c'est cool. Et il sort quand? Il sort cet été. Cet été. Voilà, on va avoir un été surchargé. Alors, on se plaint qu'il n'y a rien depuis quelques mois. Et puis ben là, ça n'arrête pas de tomber. Ils nous ont entendus, c'est bien. Comment? Ils nous ont entendus, c'est bien. Ah oui, ils nous ont entendus. Parce que c'est grâce à nous, s'il y a des jeux qui sortent, évidemment. Parce que, voilà. Bien entendu. Ah oui. Parce qu'on est... On a de très très gros contacts chez PlayStation. On a téléphoné à Disney et à George Lucas. Bah, oui, c'est vrai, t'as raison. Et Georgie, fais pas le con. Relation. Et du coup, donc, alors c'est le studio au nom imprononçable de LMX Lab. Mmh, et bien. Donc, ben voilà, ils se sont enfin décidés à nous sortir la trilogie en direct. Donc, de Vader Immortal. Alors, pour rappel, il y a 3 épisodes qui font à peu près 2 heures chacun. Que je n'ai jamais regardé, je vous le dis, puisque j'avais toujours espoir que ça arrive un jour. Et donc, j'ai pas voulu me spoiler le truc. Donc, on incarne un mercenaire, pardon, et puis avec quelques pouvoirs de la force. Un jeudi ou un site? J'en sais rien. Non, c'est un jedi. Je crois bien que c'est un jedi. Je crois que c'est un jedi. J'ai vu qu'il avait un sabre bleu. Il me semble que c'est un jedi. Et je te dis, je me suis très peu renseigné, donc je vraiment le le niveau zéro de l'information. Et, bien. Mais par contre, voilà. C'est pas mal. Par contre, si nous écoutez. Ah, mais, de toute façon, t'as tout dit. T'as dit Vader. Vader PSVR, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est juste, en fait la licence qui est importante et qui. Moi, ça me donne envie. Alors, je suis pas un fan, un vétéran de Star Wars, mais ouais, je te parle plus. Mais par contre, j'aime pas mal l'idée et puis vraiment de se retrouver dans cet univers-là. J'avais adoré l'expérience qu'ils avaient sortie au début de Battlefront. Criterion, ouais. Ouais. Donc, qui n'a rien à voir, bien entendu, puisque c'est pas du tout un jeu de baston en vaisseau. Enfin, je crois pas. J'ai pas vu de truc passer là-dessus. Et j'avais été vraiment super hypé et très agréablement surpris par la retranscription de l'univers, l'ambiance sonore, visuelle et tout. Mm. Et on y était vraiment, quoi. Donc je me dis, franchement, si tu peux jouer ça encore plus en profondeur avec un personnage en direct et tout. Et puis bon, il a été encensé par la critique de toute façon. Ouais. Donc on est sur une valeur sûre et j'ai envie de te dire, heureusement et enfin, ça arrive. Mm. C'est cool. Voilà. Super bonne Donc nouvelle. Ça sera cet été. Alors l'été ça commence au mois de juin, ça va être chaud. 21 juin je crois. Mmh. Ah, petite précision sur ce fameux studio ILM X Lab, c'est rien d'autre que Industrial Light and Magic, donc c'est la société d'effets spéciaux de anciennement George Lucas, Lucasfilm, rachetée par Disney. Donc ceux qui sont derrière, c'est vraiment ceux qui travaillent sur les effets spéciaux des Star Wars. C'est ceux qui ont fait les effets spéciaux depuis le tout premier film Star Wars voilà. En 76, je crois. Ah oui, donc c'est une valeur sûre du coup. Ah oui, tu m'étonnes. C'est ILM, Industrial Light and Magic, X-Lab, c'est le laboratoire d'ILM qui font des jeux aussi également. Et puis, au niveau des prix, c'est impressionnant tout ce qu'il a rapporté. Maintenant, faut voir. Je sais pas si quelqu'un l'a essayé ici sur Riftess ou sur des choses comme ça pour voir ce que ça rend. Non, moi je l'ai dit. Parce que principalement, non, ouais. il a été sur Quest, mais sur Riftess, est-ce qu'il est mieux que sur Quest? J'avoue, ça fait quelques mois que je l'ai toujours pas lancé parce que. Parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas. En fait, j'ai désinstallé. T'aimes pas Dark Vador, toi? J'adore d'être contre. Le pouvoir des Sith. C'est pas toi qui as aimé l'épisode 9? Non, le 8. Non, c'est moi. J'ai aimé le 9, j'ai pas moi, aimé j'ai préféré le 8 que le 9. Et tu, oui, je sais. Tu commences c'est pas pour nous, ça, s'il a pas aimé le 9, c'est pas un vrai fan. Commence pas à nous lancer là-dessus parce qu'on va on va s'engueuler avec Laurent. Sinon. Donc ça va pas être bon. Mais ouais, vu que j'ai dû désinstaller Oculus parce que c'est une grosse merde comme logiciel. Le C2 points. Non, franchement, c'est vraiment de la merde. Non, mais c'est pas une excuse. Ce qui fait que tous les jeux que j'avais pris sur Oculus, et ben pour le moment, tant que je l'ai pas réinstallé, je peux pas y jouer. Donc, Dark Vador mérite que tu le réinstalles quand même. Je verrai peut-être avant la fin du déconfinement, quoi. Ça, ça m'étonne même que ce soit pas lui qui t'ait forcé à le réinstaller. Ouais. Ouais. Ouais. Bah non. Bah en fait, il y a tellement d'autres trucs à faire autour que ailleurs que. Mais alors, par contre, ce qui a l'air sympa, c'est que tu peux jouer avec plusieurs types de combats de sabres, notamment les doubles sabres, donc les doubles sabres accrochés de Dark Maul, mais aussi les deux sabres d'Ahsoka Tano pour ceux qui ont déjà vu The Clone Wars. Et puis, bien sûr, le sabre classique à la Luke ou le sabre qui sert à rien de Kish Loren. Mais tu peux pas t'empêcher. T'as plusieurs façons de combat, apparemment. Ouais. En tout cas, ça a l'air cool. Putain, c'est vrai que quand même pour l'émission j'aurais quand même pu le tester, mais bon, tant pis. Non, mais c'est un scandale, hein. Tant pis. Franchement, ouais. Et ça se dit fan de Star Wars, je te jure. Une honte. Ouais. Mais c'est pas grave, j'assume. Ensuite, Majo, tu vas nous parler de Desolatium. Alors, je sais pas si ça encore se moi. Oui, encore toi. Bah, après, on va plus t'entendre, donc vu que t'as joué à rien à part ça. Bah, c'est vrai, j'avoue, j'ai beaucoup de travail en ce moment, et c'est pas la bonne période. Genre. Donc, Desolatium, ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, bah, je sais pas. Parfait. Merci Majo. Alors ensuite on va passer au test. Non mais c'est un peu l'inconnu. Donc c'est un studio espagnol, super lumen, qui a lancé une campagne Kickstarter et avec un petit trailer. Alors bizarre, vraiment particulier. L'univers a l'air assez sombre. Donc c'est un genre thriller, pardon. Et t'as des enquêtes à réaliser sur des phénomènes qui sont un peu inexpliqués. Et ce qui ressort en premier lieu, c'est que le jeu est très beau. Mais c'est pas vraiment de la modélisation 3D. On a plus l'impression que c'est une vidéo 360 degrés. Ou des photos. Des photos 360 degrés. Parce que ça a pas l'air de beaucoup bouger, mais c'est intriguant, voilà, encore une fois. Alors, je dirais que c'est un jeu qui mise encore un peu sur l'horreur, parce que c'est quand même très répandu comme mode de jeu en En VR. VR, ouais. Bah, ça marche bien en même temps. Et ouais, bah le jumpscare, l'immersion, tout ça, c'est vrai que c'est toujours efficace. Mais c'est assez surprenant, c'est le parti pris graphique qu'ils ont mis là sur ce jeu est assez intéressant. Alors je dirais que c'est plus intrigant que hypant pour l'instant, mais bah voilà. J'ai pas grand chose de Mais plus c'est à vrai dire pour que le coup. ça me fait penser un peu, ça fait penser un petit peu à Myst. Ça te fait penser à? À Myst. Ben ouais, moi J'ai pas. ce qui m'a frappé J'ai moi pas. dans ce truc-là, c'est que tu sais pas en fait, tu vois de toute façon que ça peut pas être de la modélisation temps réel en 3D en 360, mais je suis même pas sûr que ce soit de la vidéo en fait. Ça se trouve c'est vraiment de la modélisation, mais avec des gros ordis de malade. Ils ont fait du photoréalisme et ils ont T'as le juste rendu moteur. des images sphériques 360. T'as le moteur Alors Unity qui est très ouais, parce beau, que qui fait des trucs le très jeu est aussi déconcertants. jouable en plat. Ouais. Ouais. Ah, ça a coupé là. Non, le jeu est aussi jouable en plat, en tant que Non, tel. ouais. Ah, pardon. Il me semblait que tu parlais ça, pardon. Ouais, non, mais c'est un ovni en fait, un truc, on sait pas trop ce que ça va rendre. Alors, je me méfie parce que les studios espagnols sont pas si mauvais, donc ils peuvent nous surprendre. D'ailleurs, Undead Citadel est espagnol également. C'est Dark D'accord. Curry, c'est un studio de Barcelone. Ok. Eh bien, on va passer au test. Et Laurent, tu vas commencer par nous parler de Down the Rabbit Hole. Qu'est-ce que Oui. c'est? Ah, une bonne surprise. Est-ce que c'est bien? J'avais commencé à préparer la corde pour me pendre quand on apprend que Down the Rabbit Hole était sorti. Donc, forcément, on installe le truc. Alors, déjà, graphiquement, c'est plutôt sympa, même si c'est un peu irrégulier dans le traitement du début à la fin. On sent que quand tu le démarres, c'est la claque. Tu démarres le jeu, tu te dis, oh putain, ça c'est du MOS. Allez, je pèse mes mots. Carrément, ok. Donc c'est très très chouette. Les éclairages sont superbes, les modélisations sont superbes, les animations sont superbes. La petite nana, là, c'est la petite personnage que tu pourrais tenir dans ta main. Elle bouge bien, elle te regarde, elle fonctionne, ça fonctionne super bien. Le choix des couleurs, des palettes de couleurs, des textures, c'est très très chouette quand tu rentres. En fait, ça fonctionne. Tu vas tomber dans un puits. Et toi, tu vas te retrouver à ta taille réelle, en fait, au centre de ce puits, et tous les tableaux vont tourner autour de toi. Donc, tu vas commencer d'en haut, et puis plus tu vas t'enfoncer dans le jeu, et plus tu vas aller dans des tableaux qui seront plus profonds. Et quand tu lèves la tête, c'est drôle parce que tu vois toujours le haut du puits avec le seau. Et après, c'est un jeu à la troisième personne, un petit peu comme MOS, où tu vas passer de tableau en tableau tout en tournant autour de ce cylindre. Donc toi en même temps il va falloir que tu tournes avec les boutons de la DualShock. Attention, il n'est pas compatible PS Move, tout comme l'était MOS d'ailleurs. Je crois qu'il n'était pas non plus compatible avec les PS Move, MOS, Je crois il me pas, non. semble. Non, Je je crois crois que je pas n'en non ai plus. pas. Bon, côté graphisme, c'est extra, mis à part l'avant-dernier tableau, où là tu sens que je sais pas ce qu'ils ont foutu, où il y a eu le coronavirus au milieu, où Ils ont rushé le ils se truc, sont non? dit oh putain, là tu mets un arbre et puis c'est bouclé, où là d'un coup c'est tout vide, ça fait tout drôle. D'accord. Mais c'est le niveau, l'avant-dernier, c'est celui où il y a les quatre châteaux, avec le château de la Reine de Cœur et les trois autres, pique, trèfle et carreau, où là tu te dis. Ça manque un peu de c'est pas assez fourni, on va dire. Mais par contre, pour le reste, c'est une bonne claque. Donc visuellement, nickel. Après, au niveau du jeu en lui-même, ça c'est un petit puzzle game, hein. C'est sans prétention, c'est pas trop compliqué. Mais quand même, il y a des moments où tu vas te dire, tiens, tu vas chercher un petit peu, mais tu vas pas chercher bien longtemps. Niveau de durée de vie, c'est très court, c'est 2 heures et demie, on va dire, 2 heures et demie. D'accord. Ah oui, quand C'est même. là où ça fait plus mal, parce que pour 5 heures, MOS c'était à 35 euros, là tu es à 20 balles, tu es à 2 heures et demie. Alors, il n'est pas à mettre au niveau de MOS, ça c'est sûr. Mais par contre, ceux qui aiment MOS vont aimer ce jeu, ça c'est D'accord. sûr aussi. Voilà. C'est bien quand même d'avoir des bonnes surprises quand même en fin de Ah génération. bah, ça fait plaisir, parce que quand C'est tu sors cool. de 2-3 merdes qu'on a pu se tester récemment, Ouais. et puis tu te dis, mais c'est pas possible, on va où, quoi? Alors, le jeu. en parlant de merde, je parle de donc là on est bien sur Down the Rabbit Hole et non pas The Rabbit Hole. Donc là c'est Cortopia Studio qui a fait celui-là, Down the Rabbit Hole, contrairement à The Rabbit Hole qui est un fond noir avec une tête de lapin blanche et qui est développé par VR Monkeys, où là on est plus dans de la petite expérience qui était prévue à la base sur alors je crois que c'était Daydream il me semble, donc ça restait du mobile qui est aliasé qu'on n'en peut plus, c'est un cache-misère parce qu'ils ont assombri l'image pour cacher les textures et cacher toute la misère, donc tu es dans le noir tout le temps en fait. Ça c'est une technique bien connue, hein. Tu fais des graphismes pour ouais. VR Monkey, ils ont pas un petit palmarès déjà? Et ben ils ont fait aussi Viking Days qui même à 5 euros, franchement au bout de 20 minutes c'est bon, t'as fait le tour quoi. Ouais. Donc c'est tout le temps pareil en fait. C'est des jeux qui sont interminables parce que tu refais à chaque fois les mêmes trucs, mais c'est tout le temps pareil. Et puis quand t'as fait, au bout de 20 minutes, t'as fait tous les tableaux en fait. T'as vu tout ce qu'il y avait à voir. Donc c'est la même chose. Quoi. Petites expériences pour l'instant douteuses. Peut-être qu'ils vont s'améliorer avec le temps. Là, t'es déjà sur du jeu ambitieux. On aurait aimé juste un petit peu plus long. Ah bah carrément, disons que pour atteindre le niveau de Moss déjà il aurait tenu 5 heures avec un peu plus de niveau, un peu plus, parce qu'il y a des passages qui sont extra quand elle mange le ragoût de la cuisinière et qu'elle devient géante ça m'a un peu déçu de qu'on puisse pas jouer avec ces rapports d'échelle pour attraper par exemple en haut d'une étagère un truc que tu peux pas attraper, tu manges un biscuit, tu deviens géant, tu attrapes ton truc. Ils ont pas assez joué là-dessus, à mon avis. Pas suffisamment que souvent. The Rabbit Hole le font très bien, malgré des graphismes pourris. D'accord. Mais franchement, super soirée, deux heures de jeu. Ce qui fait surtout la qualité de ce jeu, c'est aussi l'univers, quoi. Ah oui, c'est ça. Alice au pays des merveilles. Des Biscarol, ouais. Et puis c'est les vrais personnages que tu rencontres. Tu rencontres la chenille, le chat, le chapelier fou, le lapin blanc, la reine qui est complètement barjot. Mmh. Les chevaliers cartes. Et à préciser aussi, Moss qui a été traduit en français audio, là on en reste en anglais, mais sous-titré français. D'accord, ça c'est bien, ça c'est cool. Voilà. C'est le minimum. Voilà. Franchement, tu m'as carrément donné envie de le faire, celui-là. J'ai mis 7,5 sur 10. C'est ce que je dis dans le test. Je dis que dans le test, il y a certains jeux, tu les démarres, tu pars de zéro et tu dis putain, il va falloir que je lui trouve des points. Et puis ce genre de jeu, tu pars à 10 et tu dis, il va falloir que je lui en enlève. D'accord, voilà. Bon, c'est bien. C'est... Ouais, déjà, la durée de vie pour moi, c'est quand même un gros point noir encore. Oui, 2h30 pour je crois que c'est 20 euros, il me semble. Je crois qu'il est à 20 euros. 19,99, je crois. Disons que ça permet d'attendre le livre 2 de Moss, quoi. Ah oui, c'est disons que ceux qui aiment vraiment, qui ont adoré Moss, je pense qu'il faut qu'ils le prennent. Quoi. Ok, très bien. Bon, en tout cas, tu m'as grave donné envie. Je pense que je vais me le faire, celui-là. C'est obligé. Là, on va passer dans une autre ambiance. Moi, je vais vous parler de Folia Dearfather, qui vient de sortir sur PCVR et qui est prévu sur PSVR, mais qui n'est pas encore sorti. On n'a pas de date exacte. Pour ce jeu-là, c'est un jeu italien. C'est le premier jeu du studio Red Game Machine qu'ils ont sorti. C'est un jeu d'horreur. C'est un jeu de flip, mais vraiment d'ambiance sombre, malsaine, gore, dégueulasse, comme je les aime. Et en gros, on incarne un personnage qui s'appelle Marcus et qui doit rentrer dans une université parce qu'il a reçu un mot de ses parents qui bossent là-bas. Pour que leur fils donc vienne les chercher. Donc voilà, on se retrouve un petit peu tout seul, de nuit bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, dans cette espèce de campus universitaire où il se passe des trucs vraiment, vraiment chelous. Et voilà, donc ça se joue en FPS, c'est un jeu qui se joue sur écran plat et qui peut se jouer en VR via un patch. Pour le moment sur PC il est proposé à 20 balles dans la version plate, plus le patch VR qui est à 5 euros. Donc en fait c'est voilà, comme ça il n'y a pas au moins le jeu à racheter une seconde fois, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça fait 25 euros en gros le jeu VR. Il se termine en 3 heures à peu près, un peu plus rapidement en plat parce que du coup forcément c'est un peu plus facile. Mais il y a une sacrée bonne ambiance dessus, vous pouvez aller voir la vidéo sur le site où j'ai découvert le jeu en même temps que je faisais la capture. parce que c'est vraiment le genre de jeu où t'aimes bien être surpris par, par les bestioles qui te pourchassent. Donc ça marche grave bien. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait celui-là? Oui, j'ai vu ton gameplay. Hein. Mmh. Ouais, encore. Ça fait peur. Voilà. Ça a l'air d'être du vrai. Après, par rapport à du Resident Evil, je sais pas trop. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, bah, ça fait... oh non, mais ça fait 10 fois plus peur. Attends. C'est beaucoup plus flippant que Resident Evil 7. Hein. C'est, bon, bah, c'est plus immersif. T'as tes deux mains et tout. Mais de toute façon, je t'ai mis un commentaire. Essaye, je sais pas comment tu fais pour jouer à ça. Mm-hmm. Bah, on m'a obligé. Moi, en fait. Enfin, c'est... Moi, je me serais déjà allongé par terre 25 fois. Obligé. Ouais, mais en fait, t'as tout. Je vous rappelle que la vidéo de Folia, j'ai été obligé de la passer on pouvait pas la monétiser parce qu'elle était trop violente. Ouais. Parce qu'elle était dégueulasse. Trop du sang de partout, c'est gore. C'est... Mais t'as tous les clichés, voilà, des films d'horreur, quoi. Tous les clichés des films d'horreur, tu vois, les enfants qui chantent, les petits bruits de clochettes, tout ça. Ça, c'est le pire, ça. Ah ouais, non, mais et puis évidemment, donc t'as une lampe torche, donc t'as un briquet qui fonctionne tout le temps, sauf quand tu cours, il s'éteint. Il éclaire rien en plus. Et sinon, t'as ta lampe pour la secouer, non, de temps en temps aussi. Non, justement, ça aurait été bien que ce soit comme dans Walking Dead, t'es juste à secouer ta lampe. Maintenant, en fait, t'es obligé de chercher des piles à droite à gauche, comme dans Outlast. Ah là là là là. Et les piles, elles se bouffent en une minute, quoi. En une minute, et puis tu sais, c'est pas ça s'éteint d'un coup, ça commence à clignoter, donc tu vois, ça renforce encore l'ambiance. T'as plein de scènes, plein dans les décors, enfin voilà, c'est que du clicheton, mais ça fonctionne trop trop bien. Et il y a un petit côté, comme je le disais dans les vidéos, Projet Zéro, dans le début. T'as une ambiance très boisée, tu sens que voilà, c'était pas encore à l'intérieur de l'université, t'as des vieux escaliers en bois dégueulasses, et des vieilles salles de bain, ça fait vraiment une ambiance à la Projet Zéro que j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, c'est comment? Ben, c'est sous Unity. Alors au début, c'est très aliasé en fait. Il y a un mode anti-crénelage dans le jeu sur PC. Tu le mets, tu l'enlèves, tu vois absolument pas la différence. Pourtant, c'est très sombre comme. C'est très sombre, ouais. Mais je pense qu'il est. Comme jeu. Je l'ai pas essayé en plat, je t'avoue, mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus beau en plat que en VR. On sent, tu vois, que c'est un premier jeu, quoi. Donc voilà, quand tu t'approches un petit peu trop de certains éléments, tu vois que c'est pas tout à fait raccord, c'est pas parfait. Le début, tu arrives dans un appartement, dans l'appartement du personnage, c'est assez clair. Mais voilà, c'est là que l'aliasing te saute vraiment à la gueule. J'ai eu un gros bug aussi, ça aussi je l'ai laissé dans la vidéo, sur le passage quand t'es dans la voiture avec ton frère pour aller jusqu'à l'université. En fait, la voiture, elle était plongée dans le sol, et elle avançait dans le sol, et il n'y avait aucun décor. Et avec ma manette, parce que ça se joue qu'à la manette, avec la manette je pouvais déplacer la voiture, mais tu vois, de travers en fait, comme si elle strafait. Enfin, c'est très très très bizarre. Ouais, j'ai pas vu ça. Très très bizarre, mais j'ai laissé juste un petit moment de ce truc là pour pas que ce soit trop trop chiant. Y a encore, voilà, encore pas mal de bugs, t'as des transitions des fois entre certaines scènes, tu comprends pas ce qui se passe. À un moment tu prends un ascenseur, puis t'as un écran noir, t'entends un petit bruit, et puis juste après, donc après un petit temps de chargement, tu vois ton personnage qui est par terre en sang, qui a quasiment plus de vie, et en fait tu te retournes et tu te rends compte que l'ascenseur il s'est crashé, quoi. Mais ça tu le ressens même pas quand tu joues au jeu, quand t'as le casque sur la tête. Il y a plein de petits détails, voilà, qui font que c'est un premier jeu, pas très long, mais sacrément efficace, et voilà, s'il est dans le même ordre de prix sur PS4, ça peut vraiment valoir le coup, je pense. Et il est en français, dans le texte, et ça c'est bien. Pas dans les voix? Non, pas dans les voix, non. Non, non, et il est traduit en plein de langues, mais... Enfin, il est en italien et en anglais, mais... Encore une fois, c'est le minimum, hein, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est le minimum qui est pas fait tout le temps, quoi. Pas suffisamment. Non, mais je veux dire, c'est le minimum à faire pour nous, joueurs français, que ça soit au minimum sous-titré français, c'est déjà très bien. Ouais. Franchement, vu le fait que, bah voilà, il y a très peu de doublage intégral, le fait que ce soit au moins sous-titré, c'est bien. Franchement, ouais. Faut que ça continue, c'est pareil, ça se développe, ça arrive, donc... C'est bien, nous on est contents en tout cas. Alors le personnage se déplace pas très très vite, mais justement c'est pour pas rendre les joueurs malades, je pense. En tout cas, tu cavales suffisamment vite pour échapper au monstre qui te court après. Donc plutôt bien. Non, pas toujours, ça y est, pas toujours. Pas toujours, non. J'ai une sale expérience. En gros, j'ai dans la vidéo, ça c'est la première heure de jeu, en gros. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour Folia Dear Father, et puis le test complet une fois qu'il sera sorti sur PSVR, bien entendu. Et enfin, on va parler du gros dossier de cette semaine, c'est la surprise de la semaine. La sortie dans l'horreur. Enfin, on continue dans l'horreur. Enfin, The Walking Dead Saints and Sinners, qui est sorti sur PS4 et sur PSVR, et c'est Laurent qui s'y est collé. On fait une parenthèse avant, on va continuer dans l'horreur. Tout à l'heure, vous avez parlé de Scorn qui a été annoncé au Xbox. Oui, donc c'est une exclusivité Microsoft. Ah, c'est bien. Ah bon? Ouais. C'est bien. Voilà. Donc, alors certainement, ce sera une exclusivité provisoire qui pourra être portée plus tard sur PS5. Mais c'est un des jeux où il n'y avait justement mention nulle part du logo PS5. Et là, le studio vient apparemment annoncer que c'était une exclusivité temporaire sur Xbox. Série X. Ah bah voilà. Et alors c'est rigolo, c'est un studio polonais et on sait que Microsoft n'arrêtait pas de faire la navette en ce moment entre la Pologne et les États-Unis. C'était peut-être pour celui-ci. Justement. Peut-être pour CD Projekt aussi. Hein. Ouais. Et pour CD Projekt. Oui, mais quand ils étaient partis pour CD Projekt, ils avaient été vus en train de faire plusieurs studios en Pologne. Mm-hmm. Donc voilà. Ça sortira donc, même pas sur PC? Pour l'instant, on ne sait pas si c'est temporaire ou apparemment, ils ont annoncé que ce serait une exclusivité au départ, mais on ne sait pas si elle est permanente ou pas. Quoi. Je crois que ça, il a demandé, ça sort quand? Non, j'ai demandé si ça sortait sur PC. Ah, si ça sortait sur PC. Certainement. Parce que moi... Oui, il y a des chances. Certainement, je pense. Mais c'est bien en même temps qu'il y ait des... on ne va pas faire non plus les fanboys débiles. Hein. C'est bien qu'il y ait des exclus aussi sur Xbox parce que déjà, on en a besoin. Et puis, c'est ce qui rend un petit peu le match des consoles intéressant. Donc, C'est clair qu'il en faut. Sinon, à quoi ça sert? Bah, ça sert à rien. Bon, là, ils ont mis le paquet. Hein. Donc, c'est très bien. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de jeu annoncé. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est bon, tu es disposé à parler de zombies? Oui, pas de souci. C'est rigolo parce qu'on en avait parlé, je crois qu'il y a une semaine ou deux, en disant que ça allait pas tarder d'arriver, que il y avait plusieurs signes qui avaient été, alors notamment qu'est-ce qu'on avait comme signe déjà on avait le studio qui avait annoncé pour le printemps 2020 la sortie de The Walking Dead: Saints and Sinners. Il y avait aussi le numéro de code du jeu PSVR qui avait été découvert sur la toile. Et puis enfin, la dernière chose, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin, on avait récupéré plusieurs petits indices comme ça. Et puis on dit, on fait quoi? On fait un article, on ne fait pas un article, il va sortir, il ne va pas sortir. Et puis au bout de 3-4 trucs, on dit, putain, quand même, là c'est bon, ça va arriver. Eh bien, pas loupé. Cette semaine, sans prévenir, boum, on était tranquillement en train de faire autre chose. Tout d'un coup, je crois que c'est sur le store anglais où ça a commencé. Ouais. Sur Reddit, y en a un qui dit, c'est bon, il est sur le store. Incroyable, et puis même pas 20 minutes plus tard il était sur le store français et il est sorti d'abord en Europe, puis là maintenant je crois qu'il s'est propagé au reste du monde. Tel un virus. C'était la grosse surprise de pas grand monde s'attendait à le voir arriver si vite sans annonce surtout. Ils ont tenu leur promesse, hein. on est bien au printemps 2020. Première chose que tu fais, tu télécharges le jeu, tu sautes dessus, tu démarres le jeu. Et c'est plutôt une méga super bonne surprise, voire même une énorme claque, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un vrai jeu qui a une bonne durée. Il y en a qui disent qu'ils l'ont fait en 15 heures, mais vu le niveau de difficulté, et puis si vraiment tu veux soigner tous les recoins, balader un peu partout. Je l'ai fini en 15 heures. Tu l'as fini en 15 heures? Je l'ai fini en 15 heures, donc je te confirme. D'accord. Après, comme tu as plusieurs embranchements, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est le recommencer justement pour voir d'autres embranchements. D'autres trucs. Ouais. Ensuite, surtout sur PS4, moi, ce qui me faisait plus peur, c'est... Parce que c'est vrai qu'on s'est coltiné pas mal de merde venant du monde portable sur PS4 Pro et PSVR. On se méfie de ce genre de jeu. On se rappelle très bien de Sian quand ils avaient adapté Obduction, qui était une véritable catastrophe. Où il y a eu quelques jeux comme ça un peu, ou même Ark Park qui était pourri, ou Spider-Man. Voilà. Donc ça fait peur. Et puis là, on démarre le truc. Et puis là, c'est la claque quand on se dit. Ouais, si, ça va le faire carrément, c'est super propre. On parlait de l'eau il n'y a pas très longtemps sur les rendus de l'eau. Là, c'est... Ah, de Stranded Deep. Voilà. Non, pas Stranded Deep. Sur Freediver. Freediver. Freediver, et puis on le comparait à l'eau de Astrobot et de Paper Beast. Bah, rien que la scène de départ, quand on est sur la barque et qu'on voit l'eau, c'est de l'eau. Ah oui. C'est pas une espèce de truc à la Oculus Quest. Quoi. Elle est bien flippante d'ailleurs cette scène. Ah oui, dès le départ, ça te met bien dans l'ambiance. Bien, hein. Voilà, c'est... Et donc, niveau rendu, niveau qualité, il y a pas tortillé du cul, quoi. Je dirais, c'est pour tous ceux qui aiment ce genre de truc, les fans de Resident Evil, les fans de destruction massive de zombies, c'est le jeu. Pour moi, c'est un titre qui arrive directement dans les 5 meilleurs jeux du catalogue PSVR. D'accord. Carrément. Carrément, ouais. Alors le test, il est en cours parce que... c'est beau. Comme je le dis souvent, c'est souvent très beau au début et ça peut se dégrader en cours. Et ça, c'est justement ce qu'on aime bien faire, c'est d'aller fouiner un peu plus loin avant de mettre une note. Parce que des fois, on part pour mettre un 9,5, puis on s'aperçoit que sur la fin, ils ont fait n'importe quoi et puis ça perd 2 points d'un coup. Donc on va continuer à avancer quand même avant de donner un verdict. Mais... Ce qu'on peut déjà dire, c'est que... Alors, s'il y en a qui hésitaient, franchement, apparemment, il n'y a pas à hésiter. Parce que ce n'est pas un jeu qui va avoir un 6 ou un 7. On va être plutôt sur des 8 ou des 9 sur 10. Après, tout ce qui est la gestion des armes, impressionnant. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, qui ont dit, c'est drôle, les armes sont lourdes, il y a un poids. Et ça, c'est la magie de la simulation, parce que le PS Move ne change pas de poids, mais la façon dont c'est géré, quand on porte une hache juste par le bout, ou quand on la porte proche de la lame, on sent que la hache n'a pas le même poids dans la main. Et ça, c'est impressionnant. Et quand c'est bluffant. Ouais. Voilà. Et même au niveau des attaques, c'est bluffant, parce que si on tient mal, comme dans la vraie vie, en fait, si on tient mal sa hache, eh ben, si on la tient trop haute, trop proche de la lame, finalement, quand on va taper sur les crânes, on va pas arriver à les transpercer. Alors que c'est... Comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. J'ai déjà défoncé plusieurs crânes pour voir si ça faisait comme dans The Wild. Ah, bah, normal. Mais c'est pareil. Normal, oui, bien sûr. C'est vrai. Et si par contre, tu tiens à deux mains, mais au bout du manche, tu as le poids de la lame qui va se fracasser et ça croustille bien sur le crâne, quoi. C'est vraiment et c'est tout un art, parce que même sur un fusil, quand tu le tiens d'une main, bah, tu seras moins précis, tu sentiras qu'il y aura du poids sur le bras, avec ton bras en plus qui va tomber, parce que sous le poids du... Ça, c'est excellent. C'est tout simplement excellent. On parlait tout à l'heure de Undead Citadel, où il va y avoir des combats à l'épée. Et c'est justement là où je voulais en venir. C'est ce qu'ils ont réussi à rendre là. C'est quelque chose qui est extra dans un gameplay. Surtout en VR, c'est du jamais vu. Pour tous ceux qui ont joué à Walking Dead ou qui vont y jouer, en tout cas, ça va être très très dur de retourner en arrière, en fait, justement sur les combats à l'arme blanche, si on n'a pas cette même impression d'inertie et de poids dans les armes. Rien que moi, quand j'ai joué à Half-Life Alyx, qui est pourtant une putain de tuerie, hein, dans Half-Life Alyx, en fait, il n'y a pas vraiment de combat à l'arme blanche, mais tu peux quand même tenir par exemple une pelle. J'avais essayé, et puis foutre des coups de pelle sur les ennemis, en fait, t'as aucune sensation, quoi. T'as absolument rien, et c'est vraiment dommage. Et quand t'as joué à Walking Dead et que tu vois que c'est faisable et que ça apporte un truc vraiment dans le gameplay, ça apporte l'immersion, et vraiment plus, une jouissance, hein, quand tu prends le couteau et que tu fracasses des crânes au couteau et que tu sens que, tu sais, la lame est coincée dedans, elle est bloquée dans l'os, et que tu forces, hein, tu vas prendre ton pied pour enlever la lame du crâne, quoi. C'est viscéral, quoi, comme gameplay, hein. Ah ouais. Bah, tu peux pas prendre ton pied, mais tu peux prendre la main, par contre. Tu peux lui attraper le crâne avec l'autre main. Tu peux, tout à fait. Oui, tu peux. Et sortir tu peux. Ta lame comme ça. Ouais, tu l'attrapes par les cheveux et tu lui plantes le couteau. Et ça aussi, au niveau de tes attaques, si tu tiens mal ton couteau de cuisine, tu vas péter la lame ou tu vas pas la planter correctement. Oui, parce que tu peux le tenir dans plusieurs positions dans ta main. Ah oui, c'est super précis. Et tu peux en plus changer ton couteau de sens. Donc si tu le prends comme un couteau de cuisine, là tu vas jamais arriver à le transpercer. Il faut vraiment le prendre comme un couteau poignardé. Oui, par en dessous. C'est formidable, parce que tu vois, tu dis si tu le prends pas bien, tu vas pas y arriver, et ça il te dit si, par en dessous. C'est toujours un moyen. C'est-à-dire que la manière ou l'endroit par lequel tu vas rentrer, si tu veux, sera plus ou moins efficace. Et rien que ça, déjà, c'est formidable. De pas juste se cantonner à bon, bah, une fois que le couteau il rentre dans ta tête, dans la tête du zombard, bah, c'est fini quoi. Non, ça va encore plus loin malgré ça. C'est ça, c'est que tu te retrouves quand tu en as 3-4 sur toi et que tu te dis putain, ils arrivent à une vitesse, il va falloir pas que j'en loupe un. Et bah, si au milieu tu arrives en loupe un, t'as intérêt à courir quoi. Ça te fout le stress, ça, direct, ça fout vraiment le stress direct. Je dirais juste un petit truc, je préfère prévenir quand même les auditeurs. On vous le conseille, il est vraiment génial, mais attention, il est extrêmement dur. Il est vraiment très très dur. Et ça pourrait en rebuter quelques-uns, je pense, cette difficulté, parce que. Il n'y a pas de choix de niveau de difficulté ? Non, je crois pas. Pas de choix de niveau de difficulté, beaucoup de réglages au niveau du confort. Ouais. Juste pour terminer, en fait, chaque jour, en fait, c'est un niveau, on va dire. Et quand tu fais une sortie pour aller récupérer du matos ou pour aller enquêter ou n'importe quoi, il se passe une journée. Chaque jour, le nombre de zombies augmente et les ressources sur le terrain diminuent. Donc, ce qui fait qu'à la fin, je peux te dire que c'est un peu chaud sa mère quand même. Hein. Et voilà, c'était juste pour prévenir que le jeu est cool, mais il est vraiment extrême. Enfin, voilà, c'est Il prend pas les gens par la du main. Du coup, il a 15 heures de durée de vie. Et une journée, ça dure combien de temps à peu près? Bah, une journée, ça dure. Bon, 24 heures en vrai, je sais, mais dans le jeu. C'est quoi? C'est 3 quarts d'heure, non? Ça dépend comme t'avances. Mais oui, si, ça peut durer. Ouais. Tu te démarres au matin. Mais c'est vicieux parce qu'il y a un bus. En fait, le bus, c'est ton repère, on va dire. Et dans ce bus-là, tu peux faire la sieste. Mais à chaque fois que tu dors une et tu passes au jour suivant. Ah, donc ouais, si d'accord. Au début, tu démarres le jeu, que tu fais 3 fois la sieste de suite, tu vas commencer le jeu au niveau 3. C'est ça. Donc il faut éviter de dormir, en fait. C'est ça. Ou être sûr de ton coup, quoi. Être sûr de ton coup. Parce que le temps ne passe pas quand tu es dans ta safe zone. Voilà. D'accord. Et donc, alors il y a un autre truc qui est extra, c'est justement que pour te stresser un peu plus, déjà c'est relativement stressant parce que tu te retrouves dans une ville qui est quand même, il y a pas mal de brouillard, la Nouvelle-Orléans c'est très bien rendu par contre, c'est chouette, tu t'y croirais vraiment dans les marécages et tout, c'est chouette. Et donc tu as une montre, et cette montre, en fait, c'est un peu comme dans le film, dans la série The Walking Dead, où c'est qu'il y a aussi les méga méchants qui sont pas les zombies, mais les méchants humains, et qui eux font un malin plaisir pour se débarrasser des quelques humains restants, de se faire sonner les cloches tous les jours à la même heure pour exciter les zombies, et dans ce cas-là, les hordes viennent vers toi. Et donc là, c'est assez bien rendu. On reste sur PSVR, donc du coup, on n'est pas avec les hordes de comment il s'appelle, de World War Z ou de ouais, ou Gone, je sais pas quoi là. Days Gone, parce que ça serait pas, on pourrait pas les rendre en réalité virtuelle. Mais par contre, du moment que ta montre sonne, tu entends les cloches, t'as intérêt à déguerpir parce que tu te casses, tu restes pas dans les rues parce que tu en as de partout en fait. Et ils sont beaucoup plus agressifs parce qu'ils te foncent tous dessus. Donc moi, ce qui était drôle, c'est que le premier niveau, je me suis amusé, je savais pas courir, donc j'étais en train de marcher avec les hordes qui étaient derrière moi. Tranquillou. Il essayait de se fondre dans la masse. Je dis putain, c'est bien, mais putain, tu vas pas plus vite, tu cours pas plus vite qu'un zombie quand même. Je dis, c'est bien l'anti-motion sickness, mais il faut pas exagérer. Et là, il m'a dit, mais tu peux courir. Ah oh, putain, là, ça m'a sauvé la vie après. J'ai dit, c'est bon. Et donc là, tu te prends un flip, parce que même quand t'es dans une maison, il défonce les portes. Donc t'as beau fermer les portes en temps normal, ils vont se frotter dessus un peu comme des mongols qui vont se frotter sur une porte, mais quand ils sont en mode horde, ils sont tout excités, ils défoncent les portes. Donc tu crois être tranquille et puis en fait ils vont arriver quand même. Donc tu te prends des bons... Ça doit être l'oppression permanente. Tu te prends des bons coups de flip. Et je dirais que c'est difficile. Alors pour l'instant, c'est sûr que je n'ai pas suffisamment avancé pour... j'en suis pas à la fin, donc je ne sais pas sur la globalité. Mais cette difficulté, elle est tellement réelle, quoi, tellement que tu as envie d'y retourner en disant putain, il faut que je me débrouille, il faut que je trouve une stratégie pour passer, quoi. Et je sais pas si tu ressens ça aussi en jouant, mais moi ce que j'ai adoré, c'est quand tu commences une journée, bah tu commences déjà à te construire des armes, à voir si tu as des vivres, suffisamment de vivres, ouais. Suffisamment de place dans ton sac à dos. En fait, tu prépares ton aventure, tu prépares ta journée, mais vraiment. Ah, c'est ça qui est cool. Ah bah déjà tu commences vas pas comme ta journée, tu te dis non je veux pas y aller. Ouais, c'est un peu, bah, c'est un peu la vraie vie, hein. Tu te lèves, t'as pas envie d'aller au boulot. C'est ça. C'est ça. Et puis, comme tu dis, donc, alors ça, c'est un truc, t'as intérêt à remplir donc, ton sac à dos pour récupérer des éléments, les recycler pour créer de nouveaux éléments, de nouvelles armes. Mmh. Et le truc qui est frappant dès le départ, c'est que tu as très peu d'armes. Donc tu es souvent avec un flingue qui a une seule balle et puis tu as 15 zombies en face de toi. Donc là, il faut savoir courir. Ou tu te reste plus qu'une lame et puis forcément, ton dernier zombie, tu casses la lame sur son crâne et tu n'as plus de lame. Donc, y a tout ce stress aussi. Il n'y a pas que le stress des hordes et de la montre qui va sonner. Il y a aussi le stress de ne pas avoir assez à bouffer. Tu peux mourir de faim, tu peux tomber malade, donc elle commence à tousser et puis là il va falloir les médicaments. Et les médicaments c'est pareil, t'en trouves pas n'importe où, donc t'as intérêt à voir dans toutes les maisons et faire tous les tiroirs des meubles, sans compter que dans chaque baraque il y a des zombies. et des pièges. Est-ce que tu peux les buter à main nue? Tu peux les... Genre les attraper, les pousser, oui. Ou les accrocher à un porte-manteau, ou des trucs comme ça. Non, tu peux pas les fracasser contre une bagnole. S'il est tout seul et que tu lui fracasses le crâne plusieurs fois à coups de poing, je crois que tu arrives à l'avoir, ouais. Ou avec une chaussure, des fois, ça marche. Ah, mais après, t'as toujours, par exemple, une bouteille en verre. Talon aiguille. T'as une vieille bouteille de whisky. T'as une vieille bouteille de whisky qui est par terre, tu vois, tu la chopes, tu lui fracasses sur le crâne, ça fait un tesson, et puis là, tu peux t'en servir comme un couteau une fois, quoi, toi. T'as toujours des petits éléments comme ça pour te démerder. Voilà, c'est que de la démerde en fait, tout le temps. Ah oui, tu casses une bouteille et tu lui plantes dans la carotide. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont pompé ça sur Throw Anything un peu, du coup. Le fait de casser les vitres et de jeter des bouts de verre. Envoyer la secrétaire. Ouais, donc c'est du plagiat en fait. Putain, j'aurais pas fait le rapprochement, ouais, mais. c'est un peu le grand écart quand même. Ouais, c'est vrai que c'est abusé. Skydance, là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. C'est vraiment pompé, quoi. Ouais, franchement, grave. Je suis déçu. Bon, bah, n'achetez pas ce jeu. C'est un plagiat de True Ending. N'achetez pas. Alors après, t'as aussi des moments de désespoir de dingue où c'est que tu as des zombies qui te courent après. T'as plus de balles, t'as plus de couteaux. Tu te dis, je vais me faire bouffer, c'est obligé. Donc t'es à fond, quoi. Et là, tu tombes sur une chenot. Donc tu peux escalader les maisons, monter sur les maisons pour t'accrocher à la chenot. Sauf que forcément, bah, t'as soit la chenot qui va péter et tu vas te retrouver en bas, soit tu vas arriver sur le toit. Trop fatigué. Je vais monter sur le toit, mais c'est con, ils ont mis du fil de fer barbelé sur le toit, tu peux pas monter sur la toiture. Donc bah, après, tu te retrouves planté sur ton poteau avec tous les zombies en bas qui veulent te bouffer. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Enfin, t'as plein de situations qui sont pas mal, quoi, comme dans ce genre. Alors moi, tu vois, ce que je trouve dommage dans ce genre de jeu, moi ça me ferait... Alors j'aime pas trop les jeux d'horreur, je pense que je l'ai déjà dit. Et moi, ça me ferait rêver de le jouer avec quelqu'un, ce jeu, tu vois. De faire. En coop, ouais, ça serait cool. De partir en expédition à deux. Ça serait pas mal, ça serait marrant. Par contre. Enfin, même, tu vois, pouvoir prévoir justement un friendly fire dedans. Parce que, par exemple, il y a très très peu de ressources dans le jeu. Donc, sur la fin du jeu, tu vois, c'est pas dit que ton pote. Ça va rester ton pote, en gros. Il va te bouffer. Mais justement. Il va te tuer pour te piquer ton sac. Exactement. Imagine chacun à son campement, tu sais, et en prime, bon, ben à la fin, soit vous arrivez à survivre tous les deux, soit il y en a un qui est obligé de mourir, tu vois, ça peut être encore un peu plus. Ah, c'est clair. Un peu plus psychologique, non, ça pourrait être intéressant. Ah, ça pourrait vraiment bien. Si c'était faisable sur PS5, ça serait merveilleux, ouais. Ça serait. Après, il y a un autre truc, il vaut mieux pas mourir en fin de niveau, parce que quand tu meurs, tu perds toutes tes affaires et tu redémarres à zéro. Donc t'as plus de couteau, t'as plus d'armes, t'as plus de sac à dos, et il faut que tu retournes à l'endroit où tu es décédé pour récupérer ton sac et tes affaires. Ah bah tu peux au moins le récupérer, c'est ouais, déjà ça. Ouais, mais quand t'as rien, bah tu galopes et puis si en plus t'as les cloches qui sonnent, alors là c'est fini. C'est ça. Et le jeu, il est en mort définitive ou pas? Non. Alors tu redémarres, tu redémarres au niveau où tu as perdu et tu récupères tes affaires à l'endroit précis, un peu comme dans Ark Survival, tu récupères tes affaires à l'endroit où tu as été tué. Mais ce que tu as laissé dans ton campement, il est toujours dans ton campement. Oui, ce qu'il y a dans ton sac reste dans ton sac. D'accord. Non, dans ton bus là, enfin ta zone de safe là, ta safe zone. Le bus ne bouge pas. Parce que tu peux stocker des trucs là-dedans. Tu peux tout mettre. Voilà, ok. Tu perds que ce que tu avais sur le terrain. Quoi, en fait. Tu perds pas vraiment. Si tu récupères pas ton sac, tu le laisses sur place. Mais donc, plein de petites choses comme ça qui font que tu te dis que t'es en face d'un jeu d'une quinzaine d'heures, bon, qui n'est pas donné, qui est à 39 balles, si je ne dis pas de bêtises. 35 balles. 35, je crois. Et 55 beau, euros la version... Qui est relativement beau pour une PS4, qui m'a surpris personnellement. Alors, on parle toujours dans les jeux d'horreur, on cache la misère avec l'obscurité. Et là, on pourrait dire qu'on en avait parlé, qu'on cache la misère avec du brouillard, mais en même temps on est dans des marécages en Louisiane, donc c'est super cohérent. Ouais, c'est justifié. Chose aussi, le gros avantage que la version PSVR avait par rapport aux premiers qui sont lancés sur PC, c'est qu'ils n'avaient pas de sous-titres du tout. Là, nous, on bénéficie d'une version sous-titrée française. Donc, toutes les parties à la radio, tu comprends très bien ce qu'il te dit. Et tu arrives à coller à l'histoire. Donc, c'est vraiment un gros plus pour le jeu. Ouais, parce que... D'ailleurs, est-ce que la version PC a été patchée à ce niveau-là ou pas ? Oui, tout à fait. Donc, moi, quand je l'avais fait à l'époque, c'était uniquement en anglais. Donc, j'avais quand même mis les sous-titres en anglais, histoire de, voilà, comme ça blablate pas mal, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et maintenant, voilà, ça a été patché, et il y a traduction dans plein de langues, dont le français. Et justement, pour la petite anecdote, en fait, vu qu'à la fin, tu dois prendre... tout ça... Je dis rien, mais en gros, j'ai eu une fin horrible, je pense la pire fin, à cause d'un problème de traduction. Et c'est un carnage, quoi. Donc, rien que pour ça, il faudrait que je le recommence, tu vois. Pour avoir une fin un peu plus sympa. Combien il y a de fins ? Un peu plus choupi. En fait, je pense que c'est plutôt des variations dans les fins. Je dirais que tu dois en avoir minimum 4. 4 variations. Il mange le moignon à la fin. Je peux pas plus en parler pour pas spoiler, mais voilà. Ouais, non, mais plusieurs fins différentes possibles. C'est bien. Voilà. Mais franchement, alors c'est moi, ça m'a fait penser à L.A. Noir de Rockstar en VR, où c'est vrai que tu te disais, bon, niveau graphisme, les textures, elles étaient assez dégueulasses, c'était assez plat. Ce qui était très fort dans celui-là, c'était l'animation des visages. Ouais. Mais quand tu te mets à côté de Walking Dead, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu te dis, ouais, ok, d'accord. Combien de temps de développement, vous savez ou pas ? 2 ? Alors là. La durée du développement ? Non. C'est au moins 2 ans, 3 ans, je crois. Oui. Ils ont fait. Ils sont nombreux chez Skydance Interactive. Et ils nous avaient déjà fait, comment il s'appelait, le truc avec le robot géant, là ? Archangel. Archangel, ouais. Ah oui. Mais là, franchement, là, chapeau, ils rentrent chez les grands, quoi. C'est déjà des grands, c'est un studio qui est énorme, qui a des fonds énormes, c'est déjà des producteurs de cinéma. Donc on voit que là, ça y est, en tout cas, eux, ils ont tapé fort avec celui-là, quoi. Ouais. Je persiste, je mets juste un petit bémol sur la difficulté qui risque d'en rebuter quelques-uns. Justement, tout à l'heure, tu comparais avec Resident 7. Resident 7 est beaucoup plus friendly avec le joueur. Là, c'est vraiment de la survie. C'est beaucoup plus viscéral et c'est de là aussi que vient la peur quand tu joues à ce jeu-là. C'est de pas savoir comment tu vas finir, quoi. C'est permanent, c'est permanent. T'es tendu du début à la fin. Quand t'as fini. Alors moi, je vous dis pas, en plus, le premier soir où j'y joue, j'ai une coupure de courant. Donc tout s'est éteint et j'avais juste mon petit téléphone pour m'allumer. Après avoir vu des zombies pendant 2 heures, 3 heures d'affilée, je te dis pas quand il faut aller dans le garage pour remettre le disjoncteur en route. Et aussi un autre petit conseil de jeu pour ceux qui vont s'y mettre, ne terminez pas une journée sans avoir rempli complètement votre sac à dos pour tout recycler. Parce que après, vu que ça se raréfie à la fin, sinon t'as pas monté tout ce qui est craft, tous tes ateliers, c'est dommage, quoi. Au départ, moi je me suis fait avoir, donc c'est pour ça, pour éviter que les gens se fassent avoir. Mais il y en a beaucoup, hein. Et comme je le dis tout le temps, c'est souvent sur les détails qu'on voit les grands jeux. Et puis on s'amuse, il y a un moment où c'est que t'as fracassé quelques zombies, tu sais que t'es tranquille dans une petite ruelle, tu prends un paquet de clopes, tu te prends une clope dans le paquet, tu prends un briquet, tu allumes ta clope, et ça fonctionne comme on pouvait fumer dans je crois que c'était le truc de London Heist, où on pouvait fumer. Ouais. Et ben, tu peux faire la même chose en fait. Donc en fait, je suis sûr qu'il y a plein de petites mécaniques comme ça à découvrir, en cherchant un peu. Pareil aussi, les petites parties d'enquête pour avoir des codes des coffres forts qui sont disséminés un petit peu. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que tu t'ennuies vraiment jamais en fait dans ce jeu. Coup des coffres forts, là pour l'instant j'en ai trouvé 3. Je sais pas où je trouve le code. Pour l'instant j'ai pas trouvé. Mais je vais chercher, puis on verra bien. Il y a aussi quelques quêtes secondaires aussi qui sont sympas quand tu arrives dans certaines zones. T'as plein de choses, tu peux aussi te badigeonner des tripes des zombies pour traverser des hordes. Ça aussi, c'est assez impressionnant quand même, hein, parce que quand tu les traverses, tu vois qu'ils te regardent comme ça, et puis après, ils ne calculent plus, ils tracent. J'ai bien aimé aussi ces passages-là. puis voilà. C'est pompé de la série. Ah, hein, bah, c'est vrai. Ah bah oui, c'est Walking Dead. Donc, c'est aussi c'est le but. Hein. Ouais, c'est Walking Dead, donc ça se cache pas, quoi. Mais par contre, le soir, comme tu es content de rentrer dans ton bus pour faire une petite sieste. Oui, c'est clair. Tu dis, putain, j'ai réussi à passer cette journée. Tu comprends ce qu'ils endurent, les mecs, si ça existait, quoi. Pour bien te mettre dans l'ambiance, en plus, tu picoles avant de dormir. Hein. Ouais. C'est la petite flasque pour... Oui. Tu bois ton petit coup et tu dors. Pour t'endormir. Voilà, c'est ça. Formidable. Donc voilà. Et bah, donc, je pense que c'est... T'as quelque chose à rajouter sur Walking Dead? Mis à part, comme tu dis, difficulté, c'est vrai que c'est pas facile. Après, ça offre un challenge. Donc après, il faut voir à quel niveau c'est insurmontable ou pas pour certains joueurs. Par contre, c'est vrai que quand tu l'as terminé, je pense que après, à mon avis, c'est le genre de truc où il faut aller un peu dans tous les recoins parce que tu dois avoir pas mal de surprises à trouver à droite à gauche aussi. C'est clair, c'est clair. Voilà, mais c'est un super jeu, quoi. C'est vraiment, ça change de des jeux de mobile qu'on a eu jusqu'à présent. Ça change de Pottery VR. Voilà, de Pottery VR ou. On peut en reparler si vous voulez. Non, c'est bon. Je peux en reparler. Walking Days, ça va être Walking Days ou de choses comme ça, quoi. Ah putain, ouais, ça. Malheureusement, enfin, j'ai envie de te dire, heureusement ça sort, mais malheureusement, ça nous prouve que putain, on aurait pu avoir des trucs bien, quoi. Mais c'est ça qui on me en fout, a eu quand même. C'est ça qui me fout le plus les boules, c'est quand tu vois ce genre. Enfin, on aurait pu avoir plus de trucs bien. On le savait déjà parce que Resident Evil mettait déjà la barre super haut. Donc, déjà, Resident Evil 7, tu savais ce que le PSVR avait dans le ventre ainsi que la PS4. Sans parler de la Pro, hein. Je parle juste de la PS4 et donc tu savais qu'il était capable de faire ça. Là, ça confirme juste que ça y est, là, on a un pilier qui sort. Ça fait longtemps que j'en parle, qu'il y a certains jeux comme ça qui soutiennent le catalogue. Et puis, bien sûr, comme tous les catalogues, y compris sur PC. Puis qui réinventent un peu le gameplay, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que le gameplay, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits trucs. La gestion du poids des armes, tout ça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est que ça devienne des standards. Ça. C'est ça. Comme je disais, maintenant passer à un autre jeu, enfin rejouer à Skyrim avec les moves après avoir joué à Walking Dead, c'est très compliqué. T'as l'impression que tes épées elles sont en mousse, quoi, dans Skyrim. Donc, carton. Ah bah oui, t'as juste à bouger le poignet et c'est très efficace. Tu gigotes comme ça, ça n'a aucun intérêt. Si tu cours trop, tu t'essouffles, t'es obligé de t'arrêter. Enfin, il y a plein de trucs. Si ton arme est trop lourde et en plus que tu cours, tu sens que ton bras se plie et tu l'entends souffler, souffrir. Tu dis putain, c'est bon, il n'y a plus de souffle. Enfin, il y a plein de petits détails où quand tu commences à choper des maladies, que tu commences à tousser, tu dis putain, je vais hypter là, c'est bon, je vais hypter, je suis tout bleu. et là, tu cours pour avoir tes médicaments, donc tu ne vas plus faire ta quête. Ton objectif principal, c'est faire survivre ton personnage. Ah oui, t'es drogué en plus. C'est ça. J'ai pas ma dose. Mais non, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est entre guillemets plutôt réaliste, quoi. Ah oui. C'est un jeu de survie très réaliste et vraiment poussé dans la survie, quoi. C'est de la survie, c'est ça. Bon, on a fait le tour du coup. Ouais, voilà. Pour donc, The Walking Dead. Le test va. Bah, celui-là, j'ai envie de l'acheter par contre. S'il n'est pas déjà là. Et de toute façon. C'est Walking Dead, quoi. Enfin, je suppose que les gens qui l'attendaient l'ont déjà acheté. Le test, il ne fera que confirmer ce qu'on ça va être un bon jeu. Et il va aller direct dans les incontournables du PSVR, c'est sûr. Le portage est bon. Ouais. C'est cool. Mais justement, j'étais curieux de savoir comment ce qu'ils allaient s'en tirer sur PSVR après l'avoir fait sur PC. Je suis plutôt content qu'ils se soient bien démerdés, justement. Est-ce qu'il est sorti sur Quest? Non, je crois pas. Je crois non. pas. J'ai pas la patate à mon avis. Il est trop gourmand pour le Quest. Hein. Ouais, bah sur PC, clairement. PC Quest avec le cordon. Mais sur Quest, ça m'étonnerait que la puissance de la Snapdragon soit suffisante. Mais par contre, moi je suis même sur le cul de voir un jeu si abouti sur PS4 Pro, quoi. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Ouais, franchement. Ça me dégoûte un peu du reste maintenant que j'ai vu ça. Franchement, c'est ça, hein, c'est que celui-là, maintenant qu'il est là, ça va être dur de l'oublier, quoi. C'est ça. Alors déjà que en l'ayant pas, on arrivait à se dire putain, on a de la merde, mais alors maintenant qu'on l'a, avec le gameplay qu'il y a, c'est le mec qui va sortir, je sais plus comment il s'appelle le jeu, le doggy qui fait caca là, qui sort juste après The Walking Dead, putain. Tu te fais un claquage là en fait, en passant d'un jeu à l'autre. C'est clair. Non mais c'est vrai que c'est hallucinant, l'écart qu'il peut y avoir. C'est... Après, il faut bien que tout le monde commence un jour, mais là, j'ai du mal à comprendre Sony sur l'acceptation et la promotion de ce genre d'expérience maintenant, quoi. Enfin, ils devraient obliger les gens à dire, bon, écoute, si tu veux développer, tu fais un truc un peu plus élaboré, quoi. Tu vas un peu plus loin dans ton... dans ta démarche, et puis tu reviens me voir. C'est là où on revient au débat de ce fameux PSVR qui a été tellement sous-exploité sur de nombreux jeux que quand tu tombes là-dessus, tu te dis « Ah ouais, il peut faire ça sur PS4 ?» Qu'est-ce que ça va donner sur PS5 C'est rassurant. Ça revient à cette question. Hein, quand tu es même devant le jeu dans Walking Dead, il y a des moments au niveau des éclairages, au niveau de certains trucs, tu te dis « Ah ouais, d'accord. » Et tu as même un peu les boules par moment. Et donc, c'est vraiment, il chamboule beaucoup de choses, ce jeu, quand même. Tu es tout chamboulé. Du coup, comme t'as bien les boules, tu vas buter du zombie. C'est ça. Histoire de te détendre un peu. Voilà. C'est Arizona Sunshine à côté, mais il peut aller se rhabiller. Mais... Ah non, c'est ça. Ouais, mais il est en coop. Ouais. C'est pour ça qu'il est en coop. Il est en coop parce que, justement, graphiquement, il est moins gourmand. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas moins beau parce que coop? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, d'accord. Il est moins beau pour permettre la coop, je pense. Ouais, oui, c'est ça. Par contre, s'il nous balance de la coop sur PS5, ouais, alors là, ça va être cool. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Ça s'y prêterait là, bien. En tout cas. Là, il y a moyen de gueuler. Et puis ouais, c'est marrer, sûr. En plus. Je pense. Ouais, c'est clair. Et même de s'engueuler avec ses potes, même, je pense. C'est clair. Et on n'a pas parlé de la gestion des PS Move qui est relativement bonne aussi, hein. Donc tu peux régler des tas de choses au niveau des options, déplacement, donc rotation angulaire ou rotation lisse. Tu peux régler la vitesse de rotation. Tu peux, t'es en mouvement, déplacement libre, bien sûr, mais t'as tout un tas de petites options. Tu peux désactiver les œillères, tout ça, enfin tous les trucs, tout le package anti-motion sickness est désactivable pour être en plein écran et pour vivre l'expérience à fond. Et puis pour ceux qui démarrent juste en VR et qui ont des petits soucis de motion sickness, il y a quand même pas mal, il y a de choses pour se préserver, quoi. Moi, ils sont bien démerdés sur ce truc-là. Moi, c'est ce qui m'inquiétait le plus, en fait. Le passage avec les moves, donc s'ils ont réussi, c'est... Non, si ça fonctionne nouvelle, super bien. Ça okay, fonctionne parfait. Super bien, et puis tu peux configurer tout, tu peux déplacer ton... Tu peux avancer un petit peu comme ce qu'il y avait dans Project... merde, comment il s'appelle Project... comment il s'appelait celui... Le jeu d'aventure avec les où tu te prenais les météorites sur la tête, là. Solus Project, où c'est que tu pointes ton move dans une direction et ton personnage va aller dans cette direction, mais ça c'est désactivable, donc soit tu peux l'orienter avec les boutons, soit tu peux l'orienter avec en pointant ton move. Enfin, il est le menu d'options est assez fourni pour activer ou désactiver certaines choses. C'est à façon. On voit que c'est un jeu qui a récupéré toute l'expérience des autres jeux VR. Et qui en a sorti le meilleur. Et qui donne une leçon à tous les autres studios. Parce que là, franchement, le mec, tout est possible, le mec qui arrive veut. Derrière, je on pense... Mais peut-être avec le budget on parle, aussi. Exactement. Ouais. Mais le mec qui arrive derrière, comme Undead Citadel, qui sera un peu dans le même esprit, sauf que c'est plus moyenâgeux, et ben derrière, il a intérêt à peut-être prendre du recul et faire attention à ça. Ok, parfait. Et écoutez, je pense que ça va être tout pour cette semaine. Le test bientôt. J'avais juste un petit truc, ça y est, excuse-moi, on a pris la manie de te couper à chaque fois que tu fais la fin de l'émission. Je vais te fumer, toi, un jour. C'est obligé, hein. Non, juste, tu parlais de la captation des moves, et ça me fait penser. On n'a pas parlé du brevet qui est tombé là, sur le PSVR. Avec les caméras qui te scannent le bas du visage. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu passer. C'était aujourd'hui ou hier, ça, je sais plus. Je sais plus non plus. Je crois que c'était hier. Et qui te scanne le bas du visage pour voir tes expressions. Ouais, tout à Alors fait. Alors ça, on en avait parlé avec la petite peluche. Oui, mais le brevet en lui-même, il n'y était pas. Enfin, si. Ah bon? Il y avait cette fameuse petite peluche que tout le monde a vue qui ressemblait à un nuage avec deux yeux et on s'était longuement demandé qu'est-ce que c'était que ce robot. Donc là, dans ce brevet en fait était lié à ce deuxième brevet et dans ce brevet il était écrit noir sur blanc qu'en fait la petite peluche allait interagir avec tes expressions de visage. Donc elle allait savoir si tu étais content, si tu étais souriant, si tu étais en colère ou si... Et donc il était déjà précisé dans ce brevet-là que la caméra filmait ton visage. et indiquer à la petite peluche, donc au petit personnage qui serait peut-être soit virtuel, soit un vrai personnage robot, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire. Et du coup, en fonction de tes expressions, il interagirait et il changerait ses réponses en fonction de sa façon de parler. Voilà. Okay. C'est souvent comme ça d'ailleurs quand ils sortent un brevet. En fait, dans le brevet, t'as un rappel à 5 autres brevets qui sont liés à ce brevet. Parce que à chaque fois, c'est toujours. Donc, ils vont parler d'un point précis, et puis en fait, ce point précis marche avec un autre point précis qui correspond à un autre brevet, et ils sont tous liés entre eux en fait. Touche par touche, quoi. Ah bah, moi, j'avais pas compris ça comme ça du coup. Ouais, je suis comme les enfants, je regarde que les images. Mais si, c'était. Je sais pas si j'avais pas fait un article là-dessus, il me semble. Si, j'avais fait un article. Non, mais c'était. Du coup, c'est l'image qui est sortie aujourd'hui, et c'est vrai que je l'avais pas compris comme ça. Je pensais pas que c'est les caméras qui étaient directement sur le. Parce qu'il va falloir qu'elles soient dessous avec une focale, enfin un angle de prise assez conséquent, ouais. Quoi. Parce que si ça doit capter tout le bas de ton visage vu comme c'est proche. Et puis, je pense pas que ça soit je pense pas que s'il y a une caméra sur la télé, ça soit elle qui va le prendre. Mais non, je suis bête. En plus, sur le brevet, c'est marqué, c'est les caméras sur le casque. C'est caméra sur le casque, et puis le eye tracking qui va récupérer tes yeux si tu fronces tes yeux ou si tu fronces les sourcils. Ouais, ça et va tout être. Ça. Alors ça, aussi, j'en avais parlé quand par exemple, t'es en train d'interagir avec une dame. Si par exemple, quand elle te tourne le dos, tes yeux se fixent sur ses fesses. Elle peut très bien se retourner pour te mettre une gifle. Donc ça, on en avait parlé il y a pas mal de temps sur le même type de brevet qui était lié à l'eye tracking cette fois. Donc c'était ta pupille qui, si elle visait par exemple ses fesses, tu avais une interaction. Ou si elle te parlait et que tu ne faisais que regarder ses seins, elle pouvait aussi réagir. Pense qu'il y en a un paquet qui vont prendre des gifles. Elle pouvait t'attraper le visage et te remonter le visage ou des choses comme ça. Donc il y a tout un jeu qui va pouvoir être créé pour les développeurs qui peuvent être intéressants autour de l'eye tracking et ce genre de technologie, quoi. Et autre chose, on parlait des brevets qui étaient liés. Le dernier brevet aussi, c'est pas un brevet, c'est la vidéo qu'a sorti Sony. Donc je crois qu'ils sont sur Vive ou sur Cosmos, je sais pas, avec les PS Move, les contrôleurs. Ouais. Donc là c'est pareil, on en avait déjà parlé depuis, je crois que c'était l'an passé, où il y avait déjà des brevets avec des capteurs haptiques pour détecter les doigts, et on pouvait déjà pianoter comme ça depuis un petit moment. Sauf que là, cette fois, c'est un prototype qui met en application le brevet, en fait. Ouais, mais ça met. Alors, je sais pas si t'as vu, ils ont aussi mis en évidence les limites. Non, j'ai pas fait attention. Dans la courte vidéo qu'ils ont fait, ils ont mis en évidence que quand ils bougeaient juste un petit peu les doigts, il n'y avait pas de reconnaissance. Quand ils essayaient de faire le symbole de comment il s'appelle là, de Star Trek là, oui. Quand il écarte les doigts en forme de V, oui. Pareil, il a bien précisé que ça le reconnaissait pas et tout. Donc est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas du teasing pour dire on travaille là-dessus, on veut maîtriser cet aspect-là qui n'est pas encore reproduit avec cette technologie-là. Est-ce que tu le prends pas comme ça, toi? Vu le nombre de deux, alors déjà Sony qui ont racheté une société de capteurs haptiques il y a à peu près 2 ans et demi. Qui était spécialisé à la base sur tous les capteurs haptiques qu'on retrouve dans les téléphones mobiles, notamment des interactions qu'on peut avoir maintenant avec des téléphones mobiles sans toucher l'écran. Donc dès que ton doigt se rapproche de ton écran, tu as déjà de l'interaction. Oui, c'est vrai. Et donc c'est les mêmes capteurs qui se retrouvent et des brevets sur les PS Move 2. Si vous suivez VR4 Player, vous devez voir qu'on a dû en parler au moins 3 ou 4 fois et à chaque fois on parlait de ce même brevet haptique. Notamment pour les gants, on en a parlé, on avait fait la première vidéo trailer qu'on avait fait des premiers PS Move 2, on voyait clairement les doigts qui bougeaient de la même manière, et puis là on en a reparlé parce que des brevets ils en sortent encore, et tous ces brevets, malgré les mois et même les années d'écart, ils parlent toujours de ça. Et là, ça ne fait que réconforter, de confirmer ce qu'on sait depuis le début, quoi, qu'ils travaillent là-dessus et que c'est ce qu'ils veulent faire. En gros, ils veulent récupérer les meilleurs contrôleurs du marché, à mon avis. Je ne sais pas si c'est ce que tu en penses, mais les index. Et les mettre à leur sauce. Oui, tout à fait. Ils vont faire quelque chose avec ça et ce serait super. La reconnaissance des mains que tu as depuis peu sur l'Oculus Quest, c'est bien, parce que tu as tous tes doigts qui sont reconnus, etc. Mais par contre, tu as ce manque d'interaction. Tu as ce manque de retour à pic, tu as ce manque de poids et d'avoir le sentiment d'avoir quelque chose dans la main, tu vois. C'est, disons qu'avec des contrôleurs pareils, tu peux jouer du piano, quoi. Donc, Ah oui, non. Là, je te parle. Enfin, lesquels? Tu parles de ce que je suis en train non, de te dire avec, là, avec, ou de... avec les Knuckles, donc avec les valves index. Ah oui. Oui, mais t'as. Enfin, mais à la limite, moi, c'est pas trop ça qui me. Qui me dérange, c'est vraiment plus le fait d'avoir quelque chose dans la main. Enfin, tu sais, quand tu veux simuler le fait de tenir un objet, ben, Oui. si t'as rien, c'est toujours plus compliqué de t'imaginer ouais. quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas non plus fan des caméras qui reconnaissent tes doigts et où tu ne joues qu'avec ah, tes oui, doigts. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui. Des gants en fait, des gants où tu si t'as pas si alors, t'as pas de retour de force. Ouais, mais c'est t'as pas... aussi. Alors t'as aussi des gants. C'est pareil, j'ai vu ça sur. Je crois que c'est ETR qui les a testés, si je dis pas de conneries. Et c'est des gants sur vérin. Oui. Où en fait, c'est comme, je sais pas si tu vois, les mecs qui se sont fait opérer des ouais, doigts, ouais. ils ont une espèce d'assistance mécanique, tu sais, des au bout mécaniques des doigts, qui vont contrer avec des ton vis. mouvement pour t'empêcher de fermer la main. Voilà, c'est ça. Et qui vont t'obliger de te servir des muscles de la main pour tirer tes doigts, oh, tu sais, en j'aurais fonction trop peur de de la ça, moi, situation. perso. Et j'aurais peur de le péter, ouais. Non, j'aurais peur qu'il me pète les doigts en fait. Je sais pas, le truc qui bug, tu vois, et du coup, ça te retourne tous les doigts, tu sais, en mode film d'horreur. Ouais. Oh, pas pour moi. Non, je crois pas que tu puisses. Hein. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Certainement, mais moi, ouais. c'est le truc auquel je pense avec moi, ce j'aurais, truc. J'aurais plutôt peur de les péter parce que ça va être du plastique fin et il y a beaucoup de pièces, donc ça va coûter cher. Et t'as de la poigne. Et à force, sur un petit jeu bien stressant comme Walking Dead, c'est des trucs que tu vas taper contre un mur avec, tu vas le défoncer et tu vas être content. Say, tu feras gaffe si ton casque VR surchauffe, il risque de t'éclater à la face. Non, me dis pas ça, je puis jouer. C'est ta psychose. Mais non, c'est. Maintenant, il faut attendre. Il y a des rumeurs qui disent que le PSVR 2 n'arriverait que dans 2 ans après la PS5. Ce qui veut dire qu'il va falloir, faire vivre le PSVR 1 sur PS5. Donc j'espère que les studios vont nous sortir le grand jeu, notamment tous les bons jeux qui sont sortis sur PC mais qui n'ont pas pu arriver sur PS4 à cause de la puissance de la PS4. Faut pas se mentir non plus. Bah maintenant ça va être possible. J'espère qu'ils vont y penser, qu'ils vont dire bah tiens bah maintenant qu'on a fait le jeu a eu sa durée de vie sur PC, pourquoi pas l'adapter sur PS5 PSVR. Ouais, mais encore une fois, il y a un avant et un après. Et là, Walking Dead. Eh ben oui, mais la que... PS5, Est-ce elle que... peut accueillir Alix, elle peut accueillir Stormland. Et puis je voulais en parler de Stormland aussi. Ouais, mais Alix, est-ce que tu crois. Alors Stormland, peut-être, parce que ça fait 2 ans, je crois, qu'il est sorti maintenant. Mais Alix, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont le sortir un an après l'avoir sorti sur. Ah oui, c'est possible. Sur bah Steam. Oui, c'est bien un sûr. Marché, bien sûr. Sûr. Ah oui, totalement. Et puis surtout qu'ils l'ont dit, en plus, ils ont dit qu'ils n'étaient pas contre un portage. Non, mais bon, j'ai pas dit le contraire, mais comme je t'ai dit, je trouve que ça fait un peu tôt. S'ils veulent vendre du casque de chez eux, avec le jeu de chez eux, s'ils se mettent déjà à le porter au bout d'un an sur la concurrence VR, enfin, la concurrence plateforme VR, enfin... Ouais, est-ce que les gens se posent la question après un an d'exclusivité pour sortir un jeu sur Xbox plutôt que sur PS4 j'en sais rien. Est-ce qu'un joueur console va de tout. Parce qu'il y a toujours cette barrière de prix du PC qui coûte plus cher avec un casque qui vaut quand même entre 500 et 1000 balles. Enfin, si tu prends le Valve, c'est. Ouais. Ouais, je vois ce que tu donc veux dire. Est-ce que de toute façon quel sera le ratio de joueurs qui vont quitter la console pour jouer à Alix pour PC ils l'ont déjà fait quoi. Ils ont déjà un PC ceux qui vont faire ça les joueurs console ont quand même un portefeuille limité donc non je pense pas que ce soit par contre ce que je verrais bien c'est une alliance entre Oculus et Sony, par exemple, c'est là où on n'en a pas parlé tout à l'heure de Vader Immortal, qui était quand même une exclusivité Oculus. Et on sent que soit Sony ont attendu la fin du contrat d'exclusivité avec Oculus, soit peut-être qu'il se passe des choses et qu'ils se disent bah, écoutez, maintenant que vous avez racheté Insomniac, bah, allez, vous n'avez qu'à prendre Vador, et puis un échange de bons procédés. Quoi. Pourquoi pas voir arriver des jeux, des bons jeux PSVR sur Oculus et vice versa, ça serait intéressant pour les joueurs. C'était l'objet d'un article du 1er avril d'ailleurs que j'avais fait ça. Tous les jeux Oculus sur PS4. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Bah, certaines licences, ce serait intéressant, parce que là, au final, on voit que les licences PS4 comme Horizon Zero Dawn vont débouler sur PC, mais en échange, on ne récupère pas grand-chose du monde PC. Donc pourquoi pas récupérer du Alyx, récupérer du Fallout, récupérer Stormland, qui était une exclusivité Oculus, mais qui a quand même... Je suis pas d'accord avec toi, hein. On en récupère des merdes du PC. Oui, des merdes. C'est ça le problème. Donc les gros trucs, c'est tous ces jeux-là qui ont eu une vie sur PC. Et je pense à Hellblade aussi, je pense à des jeux comme ça sur PC qui sont assez bons, qui pourquoi pas pour... Ouais, bon, Hellblade, tu te touches. Oui, ben, je sais, je vais me toucher, mais c'est un... Disons qu'avant, ça aurait pu être possible. Mais par exemple, tous ces gros jeux qui ont eu pas mal de succès et qui, de toute façon, maintenant sur PC, ils sont sortis, ils sont imposés, c'est des ténors sur PC. Et avec la PS5, ils pourraient ouvrir le marché et puis arriver sur PSVR. C'est un espoir que j'ai. Il n'y a pas d'informations qui vont dans ce sens. Hein, c'est vraiment un espoir. Ça ne nous empêche pas de rêver. Voilà. Du coup, c'est tout bon ? Il faut. Mais n'empêche que Vador Immortal. Vador Immortal, j'aurais jamais dit qu'il allait arriver. Quoi. C'était vraiment une exclusivité. Ça. Ah non, moi non plus. Bah, c'est pareil. On a pas vu venir. Un peu comme un cheveu sur la soupe. Quoi. C'est comme la sortie de Saints and Sinners. Synthétiseur. Walking Dead. Elle ou ma bouteille. Walking Dead synthétiseur. C'est ça. C'est plein de... Cette semaine a été riche en rebondissements et en surprises. Il y a eu de l'action. Il y a eu de l'action. Ça fait du bien parce que. Donc tant mieux, c'est la renaissance. Ah et puis là, il y a du bon jeu qui il y a pas grand chose, mais globalement il y a plus de la qualité qui arrive, j'ai l'impression. Enfin, de toute façon, j'espère que. Oui. Après il y a toujours des jeux qui ont disparu du store aussi et qui sont pas revenus. Donc je sais plus ce qui est. J'en ai cherché quelques-uns la semaine dernière là, et ils ont totalement disparu. Ah oui, il y en avait eu. Ouais, il y en avait un paquet qui avait dégagé, ouais. Mais je crois que 80% du catalogue PSVR était parti. Oui, il était parti pendant la nuit. Il était revenu à 3h30 du match, je crois. Mais et oui, parce que le soir à 17h, tout le monde était en panique parce qu'il n'y avait plus aucun jeu, y compris les grosses productions. Et en pleine nuit, c'est revenu. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de rumeurs qui disent que le prochain store, on pourra en streaming jouer à des démos. Ouais. À des démos de jeux PS5. Un petit peu comme on peut le faire sur Stadia en cliquant sur le bouton Play sur YouTube. Donc on verra le jeu sur le store, on cliquera sur un bouton. Ça se connectera à une version en streaming si on a une bonne connexion du jeu. Et on pourra faire une mini-démo ou un petit niveau pour voir à quoi ça ressemble avant de l'acheter. Ce qui veut dire aussi, c'est que le store va être complètement remodelé. Et qu'en ce moment, c'est possible qu'il y ait pas mal de problèmes. Parce que c'est notamment la nuit où on s'en rend compte, que quand on fait des articles entre 3 et 4 heures du matin, où c'est la cata. Quoi. T'as les jeux qui disparaissent, qui réapparaissent, qui repartent. Et puis t'as ceux qui partent et qui reviennent plus. Je sais plus lequel j'ai vu comme ça. J'étais étonné de plus le trouver. Fuji, il a disparu. Il y en a plusieurs comme ça qui ont disparu. Est-ce que c'est vraiment un mal ? Non, bah, c'est pas gênant, mais disons que si ça arrive sur un gros titre... Peut-être ils allègent les serveurs aussi. Je sais pas. Là, en ce moment, ça rame avec les connexions. Moi, je sais plus quand est-ce que j'ai voulu y aller. Enfin, c'est l'autre jour, c'est pareil, c'était impossible. Ou depuis mon portable. Impossible de me connecter, de visualiser quoi que ce soit. Ouais, peut-être. Donc est-ce que c'est pas aussi une manière d'alléger les serveurs, de virer un peu parce qu'il marche pas. Tu veux dire, faut faire de la place pour Potry VR, c'est ça? Tout à fait, ouais. Oui, parce que celui-là, il est lourd. Il est lourd, hein, ouais. Gros. Potry VR, il a été annoncé en PEGI, mais je suis même pas sûr qu'il sortira un jour. Celui-là, il va peser au moins 1 giga, quoi. Ouh là là, tu vas loin. Ah bah attends, avec toutes ces possibilités de customisation de vase, moi ça m'étonnerait pas, hein. Il faut de la ressource. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils sortent pas sur PS5 parce que le transfert, il faut au minimum le SSD. Après Walking Dead, je ferai celui-là. Potry VR. Ça t'aime bien de faire du mal. Mais je te le laisse. Ok, c'est tout bon, du coup ? C'est tout bon. Je crois que... Non, je voulais rajouter. Tiens, Majo, tu fais le malin. Je vais te laisser faire la fin en fait, tu vois. Tu vas voir ce que ça fait. Ok. Alors, il faut que je me concentre. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Ah non, mais je voulais parler aussi d'un autre truc. On a la date de Pistol Whip qui va sortir, qui est prévue pour cet été 2020 sur PS4. Pistol Whip, vous pouvez retrouver aussi la vidéo et l'aperçu sur le site qui est bien en fait. C'est une sorte de. de jeux sur rail. C'est moi qui ai fait la news, en fait. Ou alors tu nous l'as fait, ta fin ou pas? En plus, c'est vrai. Ah, mais j'attends, hein. J'attends. Et donc c'est très bien. Bon, c'est tout bon, du coup? Ouais, ouais. C'est bon, les gars? Ouais, ouais. Donc, bah, merci de nous avoir écoutés. On a oublié aussi de dire que Gorn allait sortir le 19 mai. Le 19 mai, donc Gorn qui arrive enfin, pour ceux qui veulent continuer à défourailler du Gladiator, ça peut être sympa. Say, comment on mute, là? Comment je pas, peux muter? Tu peux pas muter un Laurent ou un Majo, c'est impossible. Merde. Oh, merde. Bah, vas-y, j'arrête. Ah là là. Mais entraîne-toi, parce donc, que bientôt, je suis plein, donc... Mais donc c'est officiel. Ah bah c'est officiel que je vais, la suite. C'est officiel que je vais avoir un petit. Enfin, donc, que je, ah non mais ça on le sait, mais c'est officiel que c'est moi qui assure l'intérim. Je sais pas, vous démerdez entre vous après quand je serai plus là. Ouais. Faudra qu'on parle avec y a le chef. Il y a pas un truc de baby VR, un truc comme ça, bébé VR. Bébé VR. Bon, bah bon, si, tu commences déjà à t'entraîner, à te rappeler comment on change une couche déjà. Oh non, c'est bon. Ah non, si c'est pour avoir un enfant, non, c'est pour être un enfant, oui, que ça existe, par contre. Oui, où tu vois tout à la hauteur de l'enfant. Oui, oui, le bébé dans son espèce de lit, là. Il y a même des jeux d'horreur sur PC comme ça. Je sais même pas s'il est sorti, celui-là. Il a été annoncé, mais je suis pas sûr qu'il soit sorti. Non, c'est pas sorti encore. J'étais dans American Dream aussi, tu commences tes bébés, pareil. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Moi, c'est veux pas finir, Majo. Bah non. Ok, très bien. Non, mais c'est. Écoutez, les gars, moi je vous laisse parler. Hein. Je sens que l'échange est vif. Donc, si vous avez des choses à dire, lâchez-vous. On est là, tranquille, autour d'un VR. Allez, promis, j'arrête. Vas-y. On est là pour discuter et s'amuser. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc, on vous rappelle le site de VR4Player pour toutes les news, toutes les actus. Écoutez le podcast. Également disponible sur PodCloud, Spotify, Deezer, iTunes. Et je crois que je dois en avoir oublié quelques-uns. Non, je crois pas. Je crois que tu les as tous. Tu les as tous. Hein. Oh putain, je suis bon alors. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des trucs à dire. Partagez votre avis, ça fait toujours plaisir. On les lit quand on peut et on vous répond quand on peut aussi. Et puis, amusez-vous bien. N'oubliez pas, le déconfinement il est là, mais sortez quand même couvert, respectez les règles. Et on se retrouve dans 15 jours. Merci messieurs. Qu'il est bon. Oh là là, magnifique. Ouais. C'est bon, t'es prêt. C'était parfait. C'est vrai. C'est quoi tu J'ai l'impression, je transpire mon gars, il va falloir que j'aille me chercher une éponge. Bah allez, salut tout le monde. À dans 2 semaines. Ciao. Ciao. Ciao les gars.